s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je m'appelle Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonjour Adrien. Exactement. Comment vas-tu? Ça va bien. Une légère fatigue, mais qui est inférieure à la tienne. Non, moi, écoute. Si, bah, tu m'as dit que tu étais exténué. Non, je suis exténué, mais tu sais, je suis dans le. Vraiment le menteur, déjà, dès les premières secondes, un mensonge. Non, mais tu sais que je suis dans le truc de fatigue où t'es tellement fatigué que t'as trop d'énergie. Non, mais tu sais, t'as beaucoup d'énergie. T'es dans la transe de la fatigue. Je suis un peu dans. Ça existe, c'est un vrai terme? Ouais. Et bah, je suis dans la transe de la fatigue. Ça, c'est les gens qui ont des. Ça, c'est les gens qui ont des accidents de voiture, je pense. C'est les mecs qui disent putain, mais attends, je suis pas du tout fatigué. Ils prennent le volant, puis. Bim! Bam! Non, je suis très fatigué, mais du coup, je suis très heureux de faire ce podcast. En plus, ça fait très longtemps qu'on en a pas fait. Au final, parce qu'on en avait fait pas mal d'avance. Ça fait un mois qu'on en a pas enregistré au moins. Donc, je suis ravi de faire. Vrai, dans des conditions un peu particulières, faut le dire aux gens. Après, on est chez moi. On est chez Adrien. On est chez Adrien. On est posé. Voilà, d'habitude, on le fait chez moi. Mais là, vu qu'on enregistre le week-end avec la petite Nani Nana, c'était un peu compliqué. Mais. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de charmants invités. Tout d'abord, il est scénariste et comédien. Il a été découvert à Golden Moustache ou sur Vine. Depuis, il enchaîne les concepts géniaux sur sa chaîne YouTube et son émission Moins de 10K qu'il présente avec Salif Cissé sur le Move de 19h à 20h. Le concept est simple, il invite des rappeurs soit qui débutent, soit qui n'ont pas encore le succès qu'ils méritent, qui font du coup moins de 10K, c'est ça, tout simplement. 10K, c'est ça, c'est ça. C'est 10K d'abonnés ou d'écoutes d'ailleurs, je ne savais pas. Bah je dis pas. Ah ok, d'accord, très bien. Comme ça tu non, te laisses le champ. Non mais ouais c'est libre. Ça parce qu'en vrai c'est le concept. Mais on a pas envie de se dire si un gars il a 10 001, ouais, il reste devant la porte tu vois. Ah non. Et non gars pas. Mec, bah, va Skyrock. Fais un bad buzz mec et tu reviens quoi. Non, l'idée c'est de voilà, c'est de trouver des gens qui sont pas assez mis en avant selon nous. Mais comme ça c'est large, parce qu'en fait à moins de 10 000 abonnés il y a tout quoi. Des mais fois il y a des mecs qui sont signés. Tout est clean, ils sont certifiés, ils ont 4000 abonnés et tout. Et des fois, il y en a, ils ont 300. Enfin, ouais. Le gap entre 0 et 10 000, il est déjà très large. Oui, c'est ça. Bah, c'est et puis cool. Booba a 4000 abonnés, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des anomalies, mais il vient bientôt, d'ailleurs. Il vient bientôt. Non, mais tu rigoles, mais je suis sûr que genre un mec comme Alain Souchon, tu vois, il doit avoir un petit compte avec 3-4 photos, il doit avoir 3000 abonnés. Bah, invite-le, frère. Ouais, j'avoue. Ouais, j'y avais pas pensé. Mais pour qu'il pose un 16, en revanche. Un 16 d'Alain Souchon. Ou genre Mylène Farmer, qui est pas sur non, les réseaux. Non, elle a toujours. Elle est plein pas d'abonnés. Sur les réseaux. Oui, mais même. Donc, même crois, techniquement, elle a moins de 10K. Non, je pense qu'elle est sur les réseaux. Après, tu peux inviter le faux compte de quelqu'un aussi. Tu vois, genre un faux compte de Booba. On l'interview. Bon, en tout cas, vous avez reconnu sa voix. C'est Anis Raleigh, bravo. Oui, bonjour. Vous l'avez peut-être également découvert à Golden Moustache. Sur sa chaîne, il présente Il fait tout noir, mais enchaîne également plusieurs concepts régulièrement avec ses comparses, d'ailleurs Anis et Freddy. Il est apparu dans Fujisan, récemment réalisé par Cyprien. Et il faudrait qu'il passe un coup de fil à son agent, car quand on va sur sa fiche talent, eh bien il n'y a absolument rien à part qu'il parle français. Il faudrait que tu la mettes à jour. Ouais, parce que vraiment, je sais, il manque j'ai jamais envoyé trucs. Les autres. Bah, moi, ouais. C'est vrai. Il y a écrit, contrairement à ce que t'as dit tout à l'heure. Il y a écrit Aurélien Prévost, scénariste, auteur, enfin scénariste, acteur, réalisateur. Langue française, langue parlée, français maternelle, rien d'autre. Absolument rien d'autre. Ouais, c'est un profil assez recherché. Hein, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est Aurélien Prévost, voilà. Ouais, oh là là. Bonjour, bonsoir, merci. La lumière est allumée, j'espère que ça te va. Oh non, non je rigole. Non, c'est un peu trop de lumière pour moi. Ah non, il fait tout. Bon, 32K Souchon, désolé, j'ai vérifié. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ce qui est. Mais c'est pas énorme. Ouais, ouais. On a plus que Souchon, quoi. On a plus que Souchon. On a réussi. Le titre de l'épisode. Bon, il y a pas. À la base, on voulait aussi inviter Freddy, mais il n'est pas là. Du coup, Adrien va l'imiter. Le flan. Oh, il fait bien. Oh, il fait bien. Un Freddy de la mafia. Oh, can I get some burger? Oh. La mafia de Fort Boyard, un peu. Oui, un peu, ouais. Mais moi, je retombe toujours sur le perforage. Toutes mes imitations finissent en perforas. Nous commençons avec les news du Floodcast, comme d'habitude. Alors, en Angleterre, ça a pas mal tourné, vous allez peut-être le trouver vite. En Angleterre, pour le nouvel an, un feu d'artifice a été annulé dans la petite ville de Scarborough. À votre avis, pour quelle raison? Il pleuvait. Alors, il ne pleuvait pas. Cela dit, il pleuvait peut-être, mais ce n'est pas la raison pour laquelle. S'ils annulent des trucs quand il pleut en Angleterre, je pense qu'ils font pas grand chose. Ils font pas grand chose. Même l'article, il donne pas envie, quoi. Non, non, c'est pour une raison, évidemment. Cocasse. Anis l'a noté, un peu folle, un peu cocasse, un peu insolite. Dingue, disons-le, une info dingue. Ils ont oublié d'acheter des feux d'artifice. Non. Est-ce qu'il était offensant d'une manière ou d'une autre? Le feu d'artifice? Je sais pas. Il y avait le N-word. Ils ont fait le premier. Ouais, ils ont fait le premier, c'était une croix gammée, ils ont fait stop. Annulé. Pas des super bases pour 2023. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que ça a peut-être blessé des gens, tué des gens? Alors, ça aurait pu déranger des gens. D'accord. En tout cas, les chiens, les toutous. Tu t'approches, en tout cas une personne. J'aurais adoré. Ah, un chien en particulier. Le corgi de... un chien. Du coup, on enregistre chez Adrien et quand on a dit déranger un chien, Adrien a tout de suite eu un petit regard sur son chien, genre non, lui ça va. Tout non, elle est en train de. Un très beau père que je vois. Elle a peur des feux d'artifice et dans le 19e où on est là, les gens sont fous de feux d'artifice quoi. Ils en font même là en ce moment quoi. Comment elle réagit quand il y a un feu d'artifice? Elle a peur, elle vient me voir. Ah ok. Je lui dis oh ça va, ça va. Elle tape à la fenêtre. Ça va là, oh. Et oh là. Elle appelle les keufs en fait. C'est vraiment. Non, mais pas avec les chiens alors. Alors pas les chiens. Ok. Mais ça dérange. Des animaux. Ça dérange un animal. Un animal. Un animal. Oh. Un Attends. Animal royal. Pas royal non. J'y ai pensé d'ailleurs, mais le corgi de la reine, il est devenu quoi du coup? Parce qu'il n'y a plus de reine, donc le chien, ils en ont fait quoi? Bah il a une chaîne YouTube complotiste. Horrible, horrible. Le mec c'est ouais, a sombré. Non je sais pas du tout. Je vais regarder pendant que vous cherchez l'animal en question. C'est un animal qui est dans un zoo. Alors, tu peux en trouver dans un zoo, mais là, en l'occurrence, non, pas du tout. Non, mais attends, c'est un animal ou c'est un type d'animal? C'est un gars, non, un animal, c'est un animal. Une personne. D'accord. C'est pas un genre d'animal. Moi, j'aimerais que devient le corgi? Google me dit que devient le groupe The Corrs. Non, c'est pas ma vas-y, question. Vas-y, dis. Va pour ça. Attends, c'est un animal qui a autant de pouvoir. Ouais, mais moi, j'ai envie de savoir pour qui il se prend. C'est un animal. Un animal un peu qui se la joue. Est-ce qu'il est mourant, genre? Non, pas du tout. Non, l'animal est en très bonne santé. Est-ce qu'il travaille à la mairie de la ville? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un animal qui est potentiellement dangereux? Alors, non. Et du coup, ça leur a énervé. Ils ont dit, genre, ils ont un T-Rex. Arrêtez, il va s'énerver. Non, c'est pas ça. Putain. Je suis sur un article où la question c'est que deviennent les corgis de la reine. Et c'est un article entier sur les corgis pour qu'à la fin ils disent à l'heure actuelle on ne sait pas encore ce qui va arriver aux corgis. Bon, ça arrive souvent dans les articles. S'en préoccuper un peu plus vite. Ça m'agace. Ça fait longtemps qu'il attend de savoir ce qui va lui arriver du coup. Ça, ouais. Il doit être mort en fait, je pense. Là, il dit putain, je vais me désabonner à Slate parce qu'il ne donne aucune réponse. Aucune réponse. En tout cas, on a bien trouvé. Non, mais je vais. Est-ce que c'est un animal qui est un peu. C'est au nord-est de l'Angleterre. Et l'Angleterre. Ah bah oui. Elle est bordée de quoi? De la mer. Ah, un poisson. Le Loch Ness. Alors, ce n'est pas... Le monstre du Loch Ness. Non, ce n'est pas. Très bonne réponse. Non, on est dans dauphin. Le monde marin. Non. Je vais vous donner la bonne réponse. Ah, tu détestes. Une baleine. Non. C'est un animal aquatique. Aquatique, mais qui vit aussi sur la terre. Une otarie. On s'approche, on n'est pas loin. Un morse. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. T'es content? La ville... Ouais, bah oui, non, mais... La ville de Scarborough, dans le nord-est d'Angleterre, a annulé son spectacle pyrotechnique sur les conseils d'associations de protection animale, le Morse Thor, T-H-O-R, comme Avengers. Morse Thor. Vu à plusieurs. Non, cherche un truc. Je reviens vers vous dans 5 minutes. Shadow of Morse Thor. Oh là. Bah quoi? Bah, rien. Le Morse Thor, vu à plusieurs reprises dans le port de Dieppe, en Seine-Maritime d'ailleurs, au passage, se trouvait à ce moment-là, au moment du Nouvel An, à Scarborough. Il vient régulièrement s'y reposer. Il est arrivé vendredi 30 décembre. Comme bon nombre de villes anglaises, la commune de Yorkshire avait l'intention de célébrer le passage de la nouvelle année avec un spectacle pyrotechnique. Le Morse, devenu une attraction pour les touristes, a attiré l'attention des associations de protection animale. Des craintes existent sur le fait que le dispositif pourrait créer un stress chez le mammifère, a déclaré un porte-parole de la ville, déçu mais bien conscient que le bien-être du morse devait primer. Très bonne phrase. Le maire a annulé le feu d'artifice, une décision saluée par les associations de protection des animaux. J'arrive pas à dire. Ça fait association. Mais attends, mais il est venu de Dieppe, c'est ça? Il se balade, ouais, il était à Dieppe. Non, mais c'est un morse. Je pense que c'est comme les oiseaux, tu sais, les ornithorynques qui pissent les oiseaux. Là, je suis désolé, un mec pour le nouvel an qui se déplace. Il venait pour les feux d'artifice. On dirait pas qu'il est venu pour non, ça. Non, attends, c'est le morse qui venait de Dieppe. Oui, c'est ça. Ouais, il est venu de Dieppe. On dit c'est annulé. Il a dit quoi? Il a dit je suis venu de Dieppe. Gars, qu'à Dieppe, il y a zéro feu d'artifice. À Dieppe, il se passe rien. Je me fais chier. Je suis venu exprès. Alors, où on parle, il y a un avis d'un morse sur TripAdvisor. Honteux, une étoile. Très énervé. Très énervé. Vous avez fait quoi, vous, pour le nouvel an cette année? Alors, ça a fait la fête? Moi, j'ai peut-être. Ouais, ça fait la fête. J'avais déjà oublié. C'est une bonne fête, sans doute, si t'as oublié. Ouais, j'ai festoyé, ouais. Faites où ça, si c'est pas indiscret, des amis? Chez des amis. Ouais. Paname, t'es resté à Paris? Ouais. Bah, Sid. Non. il fait pas les fêtes, ça, Sid. Ah ouais? Non, chez des amis. Chez Akhtar, toi, tu connais, ah, bah oui, le basketman. Et après, je suis sorti, dites-vous, en boîte, comme si j'avais 20 ans de moins. Au Pacha Club dans les Yvelines. Au Rex. Oh, Rex Club, je crois, on dit même. Ah ouais, ouais, ouais. Le j'ai jamais le été cinéma. De ma vie. Ouais. Enfin, c'est bon. Les jeunes, non? T'étais ouais. Le plus vieux? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais non, mais pense... Comment humilier son pote? Bah, c'était mon intro. Ouais. Tu t'es cassé le col du fémur, non? T'as kiffé, c'était bien? Ouais, c'était cool, ouais. D'habitude, tu sors pour les Nouvel An, tu fais la fête? Ah ouais, non, c'était un peu l'occasion. Ouais. Oui, mais tu le fais entre amis souvent. Ouais. C'est la boîte qui était exceptionnelle pour le coup. Ouais. Oui, surtout qu'en plus un soir de Nouvel An, il est dans un mood bizarre. Je cache ma gueule de bois. Ça. On enregistre un samedi, c'est comme d'hab. Chaque réponse est un début de vomi. Ouais. Non, en vrai, c'était cool. Ouais, il y avait peu de miroirs, donc j'oubliais que j'étais le plus vieux. Tout ça, très sympa. Juste des regards un peu tristes de gens de 20 ans. Toi, Anis, t'as fait quoi? Moi, j'ai rien fait de particulier. Ouais. Si ce n'est, j'ai regardé si un dessin goût. Animé. Oh. Moi, j'avais Tomer Sisney. Si ce n'est que vous et Tomer Sisney. Non, j'ai regardé un petit dessin animé. T'as regardé quoi? T'étais en famille ou non? J'étais avec ma copine. Ouais. Mais j'ai rien à dire. Donc... Mais non, mais c'est bien. Non, mais justement. Bien. J'ai l'impression que plus on va en parler, plus on va dire d'accord. Mais non, mais c'est bien qu'on arrête. C'est vrai, que... c'est vrai. Mais moi, j'entends plein de gens dire. C'était nul. Ouais, ouais. Non, mais qui disent j'en ai marre de cette injonction à faire Nouvel An et tout. Et genre, ils sortent après. Non, mais, ou alors à faire absolument un truc et tout. Et, mais. Bah fais rien, c'est pas. Il y a pas d'injonction en fait. Fais rien, qui va venir prendre des notes chez toi s'en bat les couilles, il y a pas d'injonction. Moi en gros, je fais le Nouvel An, je pense une fois tous les 4 ans quoi. C'est comme la Coupe du monde. Oui, c'est ça. Des fois, je me chauffe, j'ai envie de trouver un truc. Donc pour toi, on est en 2006 quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que quand je fais rien, c'est très bien aussi quoi. J'ai jamais été déçu de rien faire. Quel dessin animé par contre? Ah oui, par j'ai regardé un dessin animé qui s'appelle Osmosis Jones. Oh, les frères Farrelly, chef-d'œuvre avec Bill Murray. Et j'adore, mais je t'en ai déjà parlé du fait que j'adore. Ouais, bien sûr. Ah, et ça a bien vieilli, ça va? Ouais, ça a bien vieilli. Hein. Bah, comme c'est le corps humain, en gros, c'est un dessin animé qui suit ce qui se passe dans le corps de Bill Murray. Ouais. Donc il y a une partie live action et une partie dessin animé. Et ce qui se passe dans le corps est toujours d'actualité. Non, mais il y a un truc très métaphorique sur le fait que les globules blancs, c'est la police, les globules rouges, c'est les citoyens. Parce que c'est Chris Rock qui joue le héros. C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai galéré à le trouver dans la version. En VF, parce que quand tu regardes un dessin animé, tu préfères en VF, en tout cas moi. J'ai galéré à trouver la version que j'avais plus jeune. Ah ouais, et ça a changé, ils l'ont doublé. Non, c'est que je pense que c'est la version québécoise. Ouais. Et genre, le gars qui fait Chris Rock, je sens qu'il joue comme un Québécois. Quoi. Ouais, oula, attention. Alors que normalement, c'était une voix du ghetto. Quoi. Il était en mode, quoi? Je vais m'embrouiller avec toi. Ou, c'est sûrement un blanc qui imite un noir. Mais en tout cas, on est tous rassurés. Ça m'allait très bien. Quand j'étais jeune, je me dis, waouh, j'y crois que c'est le Chris Rock français. Alors que le doubleur s'appelle Étienne Jeanjo. C'est Cantelou. Plus jeune, ça me dérangeait pas. Mais j'ai trouvé finalement. En fait, je l'avais acheté en DVD, mais c'est vraiment pas si intéressant. Mais du coup, je l'ai acheté deux fois, une fois sur YouTube, une fois sur Canal, pour que ça soit deux fois la version québécoise. Oh, putain. Après, j'ai dit à ma meuf, bon, je l'ai en DVD en fait, je le voulais en 4K, tu vois, mais arrêtons de faire chier. Tu sauves l'industrie à toi tout seul. Ouais, mais c'est ça. Ça veut dire là, j'ai payé pour tout le monde là. Ouais. J'ai le DVD et j'ai acheté deux fois le film. Je pense que Chris Rock, il a dû avoir une notif, quoi, genre, mais autant de gens achètent Osmosis Jones en France. Une petite SACEM. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, si vous nous écoutez, deux personnes peuvent le pirater et c'est ok parce qu'il a acheté deux fois pour rien. Je l'ai fait pour vous. Vous avez le droit. Concertez-vous. Adrien, toi, t'as fait quoi pour le Nouvel An? Alors moi, j'ai fait un truc de ouf. J'étais ici et j'ai fait le ménage chez moi. Oh, ouais. Au moment du minuit? Oh, je sais pas. Ouais. Franchement, un peu avant. Je pense qu'à minuit. Non, parce que à minuit, il avait fini, je pense. Il s'était assis. Ouais, j'avais fini. Puis justement, il y a eu des feux d'artifice. Donc j'ai. Ah oui, j'ai classe. Non, mais j'ai rien fait. J'avais envie de rien faire du tout. Et je suis resté là. Et puis à un moment, je me suis dit, vas-y. En fait, il y avait un côté cool à me dire, je vais vraiment tout ranger, faire le ménage et tout. Et du coup, en 2023, l'année, je me lève et je suis dans un appart qui est nickel et tout. Putain. Donc j'ai fait ça. Mais après, il faut savoir que moi. Mon Nouvel An le plus foufou de ces 15 dernières années, c'est regarder All Inclusive avec toi. Donc, c'est vraiment. On a fait un Nouvel An. Mais ce qui est terrible, en plus, dans cette soirée qu'on a fait, donc c'était avec toi et Romain sur la tour, on a regardé All Inclusive sur Canal. Ensuite, on s'est souhaité la bonne année. Ensuite, je sais plus, on a regardé des merdes sur YouTube. Non, on a fait des jeux. Oui, c'est des ça, jeux, genre, avec le portable. Ouais. Ensuite, ils sont rentrés. Genre, qui a le plus de batterie, ce genre de. La calculette et tout. 2 plus 2. Elle baise. Elle baise, Et la soirée a réussi à être plus triste encore derrière, seul chez moi, où j'ai fini par je zappais, je suis tombé sur Neuilly sa mère le 2, ouais. Et je suis resté dessus jusqu'à 5h du matin, voilà, de façon un peu terrible. Ça va. Ça a pas été ma meilleure année derrière. T'as préféré All Inclusive ou Neuilly sa mère? J'ai préféré Neuilly sa mère, je crois. Et All Inclusive pas. Inclusive, t'en as pensé All quoi? Inclusive Inclusive qui arrive lourd avec Ivy qui est le héros dans celui-là. Ils ont complètement changé le et truc. Et le spectacle de Arnaud sa mère, tu. bien sûr. Moi ça me régale. Mais vous avez des souvenirs de Nouvel An peut-être quand vous étiez plus jeune. Et toi, t'as fait quoi? Moi, oui. J'étais dans ma petite maison en Bourgogne. Ouais, déjà, voilà, c'est stylé. Voilà. C'est non, déjà non, beaucoup mais... mieux que nous tous. Et en fait, c'est une maison un peu en hauteur, donc c'est vachement cool parce que quand tu montes en haut du belvédère, elle est sur les hauteurs. Tous les feux d'artifice pas annulés. Sur les hauteurs. Et il y a tous les feux d'artifice de la. Heureusement que t'as pas un morse en voisin, quoi. Non. Ça, j'avais vérifié avant d'acheter. J'avais dit, excuse-moi, est-ce qu'il y a des morses? Le gars m'a dit, non, vous inquiétez pas, on les a tous virés. Non, mais est-ce que vous avez fait des Nouvel An un peu cool, vous, quand vous étiez jeune, des trucs qui vous ont marqué, des souvenirs? Moi, j'avoue, l'an 2000, c'était un vrai truc, quoi. T'avais quel âge à l'an 2000? J'étais jeune, j'avais genre 16-17 ans. Ouais. J'avais 3 ans, hein, je suis beaucoup plus jeune que ça. Ouais. Et c'était mon premier réveillon, tu sais, avec plein de potes. Mais il y avait un peu ce délire, genre c'est l'an 2000, tu vois. Genre le futur, quoi, ça y est, quoi. Dans bien deux sûr. Heures, il y a des voitures sans roues. Le troisième millénaire. Et y avait vraiment ce côté, tu sais, parce qu'aujourd'hui, quand tu te fais les embrassades à minuit et tout, bon, c'est sympa, mais il y a un côté un peu absurde total. Ouais, ouais. Mais en l'an 2000, ça avait du sens, quoi. Tu vois, c'était le début de la vie, les trucs, la vraie grosse bande de potes et tout, et c'était un chouette truc. Moi, j'étais trop petit, je me souviens pas, mais il y avait le truc du bug où c'était déjà passé, vous saviez que ça allait pas arriver. Il y avait un truc. Je crois qu'on s'en foutait un peu que les systèmes bancaires plantent. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on l'espérerait, ouais, mais à l'époque, on s'en branlait un peu. Mais je crois que c'était surtout source de blagues, quoi. Oui, c'est ça. Je me rappelle pas trop du rapport. Cela dit, en plus, Internet. Moi, souvent, je pense à ça. Je me dis, mais le bug de l'an 2000, en vrai, Internet avait très peu de place en l'an 2000. Donc les gens. Mais aujourd'hui, c'était pas Internet, c'était tous les systèmes informatiques. Donc c'était. Dire aux gens, c'est même le fait que soudainement, on passe de 99 à 0. On se disait, mais les ordi, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? On est revenu à Jésus, tout ça, machin. Et moi je me rappelle que j'avais peut-être 9-10 ans, j'avais la pression du truc, moi. Ça m'était rentré dans la tête et je suis resté éveillé jusqu'à minuit pour voir si c'était la fin du monde. Je crois que c'était un peu 2012, tu vois. T'as mis Pixies, Where is my mind Et je me souviens, et pour rester éveillé à minuit quand t'as 9 ans, c'était dur, mec. Ah ouais. J'étais concentré comme ça, je me disais, j'ai pas envie de dormir, je me réveille, je suis en enfer ou au paradis. Donc je restais éveillé et à minuit 2, j'entendais des feux d'artifice, je me suis endormi apaisé en mode le monde peut continuer à vivre. Et les morses doivent stresser. C'était des explosions, mon pote. C'était pas du tout un feu d'artifice, genre oh mon dieu. Peut-être que le monde serait fini aujourd'hui. Ah ouais, heureusement que j'étais là. toi, t'as un souvenir, t'as de Nouvel An un peu ouf que t'as fait, Adrien? Un peu ouf, non, bien sûr que non. Non, mais peut-être ado ou des trucs comme ça. Une fois où t'aurais pas fait le ménage. t'aurais carrément laissé traîner un détritus. Non, tu ça, vois. jamais. T'as jamais été aussi loin. Non, en vrai, j'ai plus trop de souvenirs de mes Nouvel An. J'ai jamais fait des trucs de ouf. J'ai fait des soirées, je pense, quand j'étais jeune et tout, mais c'était voilà. C'était tranquille. Moi pendant 5-6 ans, moi j'avais T'as mon petit bien rituel. Enchaîné, ouais. Non, pas du tout de fête, mais j'avais un rituel, je me faisais toujours un KFC, un Lego et je me matais un film. T'es japonais en fait. Je suis japonais, c'est vrai. T'as vu que plein de gens en ont reparlé? Oui, bah je sais parce que t'inquiète que de je reçois des messages genre eh ben si c'est vrai. À l'écrit, il y avait Ouais. Bon, je rajoute, peut-être j'interprète un peu. Je suis acteur. On a parlé pendant le podcast de Noël, on a parlé d'une tradition en fait au Japon, ils consomment du KFC à Noël. Ah oui. Voilà, c'était un truc. Et moi j'ai dit mais c'est impossible, c'est une tradition, c'est n'importe quoi. Donc tout le monde m'envoie des articles pour dire si c'est vrai. C'est du Kyoto Fried Chicken par contre. C'est ça. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas Kentucky. Et du coup, ouais, j'avais ce petit rituel à chaque fois. Lego, KFC, mater un film. Voilà, mais c'était. Tu te branlais jamais bien. Mais je me. Oh non. Dans la cabane avant l'aide. Non, pas le soir du Nouvel An. Petite transition entre chaque étape, je pense. Peut-être quelques jours après. Ouais, si tu commences à te branler à 23h56. À 5. En écoutant Toto d'Africa. Mais ça, écoute-moi. Tous les décomptes m'excitent, j'avoue. C'est sûr que ça existe. Un porno où tu le mets, ils te disent tu le mets à 23h58 et du coup tu vois si tu te branles maintenant tu peux jouir à tu vois un truc ouais, comme ça. Ça soit très efficace. Les mecs ils ont vraiment confiance en le contrôle du corps des gens, quoi. Non mais en vrai, c'est 3 minutes 33 là. Non mais pour le coup ça existe ça de ouf, hein. Ah ouais, genre les trucs de compte à rebours pour que t'éjacules. Ah oui, les trucs on m'a raconté, je sais pas. Mais... tu t'es renseigné pour ton émission, voilà, ça n'a rien à voir. Non, il y a un truc, enfin j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est un nom où on te met une vidéo avec un compte à rebours pour que tu jouisses au moment du truc. Et des trucs accélère, ralenti, des trucs comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je devine. Ouais, ouais, t'as l'air. Mais ça, c'était sur TF1, c'était Arthur. Ça. On dirait 120 secondes de bonheur. On dirait un Dance Dance Revolution de la banlieue. Genre, t'es là, accélère, machin, ouais, wonderful. Il y a une chanson de Michou, pareil, offerte. Non, mais je crois que c'est vraiment ça. Tu remplis une barre de turbo. Tu dois te branler sur le rythme et tout, tu vois. Je te jure que c'est vrai. Attends, mais s'ils font ce jeu avec un périphérique avec lequel tu te branles. La Wiimote. Ça peut marcher. Hein. Il y a un créneau de ouf. Bon, ok, c'est parti. Okay. Bah, tu couperas ça au montage parce qu'on va le sortir. Le prochain merge. Ouais, c'est du merge. Je suis content que même sur une news de Nouvel An et de Morse, on arrive à parler de branlette. C'est qu'on arrive toujours un peu à recentrer. On est pas c'est une belle année qui s'annonce. On n'est pas les plus fins. Oh, on le sait bien. Mais en même temps, on est très fins. C'est ça qui est fou. Le mec est dans l'auto. La fille à rose. Je m'étouffe. Non, t'es biclot de pied plus là. La La filarose lymphatique, aussi appelée éléphantiasis, c'est une infection rare. Ah, je sais ce que j'ai entendu, pourtant, la filarose. Ah ouais, éléphantiasis, je sais ce que c'est, ouais. Ah ouais, pourtant un patient de 26 ans a ramené sa dinde, qu'est-ce que ça vous provoque? Bah, d'énormes couilles. Il a ramené sa dinde à Noël, tu veux dire? Il y a des chances. Non, alors ça peut être des grosses couilles, mais pas que. Une grosse bite aussi? Non. Un gros cul? Non, mais. Non, mais éléphantiasis, c'est. Avoir des grosses couilles. Énorme couille. Mais il se passe un truc dans les couilles du monsieur. Alors tu peux répéter la question pour Anis qui n'a pas écouté. Bien sûr, un éléphant. Il y a un bébé éléphant qui a fait Dumbo, d'éléphant. C'est Dumbo en fait, tout simplement. C'est le début de Dumbo, ça commence dans des couilles. Pour l'instant, je peux pas rire parce que j'ai La filariose lymphatique, aussi appelée éléphantiasis, est une infection rare. Il l'a trouvé, ça donne des couilles énormes. Okay. Mais pourtant, personne de 26 ans a ramené ça d'Inde. Mais qu'est-ce que ça provoque en plus? C'est pas que ça permet d'avoir. Enfin, ça permet. Oui. Pas juste ça fait grossir les testicules, ça crée quelque chose au sein de ce scrotum. Moi j'avais vu une photo d'un mec qui avait un éléphantiasis. Il était vraiment assis sur ses couilles, genre c'est un pouf quoi. T'es sûr que c'était pas une pub pour un ballon sauteur ou un truc chez Jiffy? Incroyable. Ouais. Non, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça, mais il oui, y a un truc symptôme en plus. Il y a un symptôme. C'est lié aux couilles ou rien à voir? Ah, c'est lié aux couilles. Il se passe un truc dans le scrotum du monsieur. Ah, c'est. Non, le scrotum, c'est les couilles. C'est ça, le scrotum, c'est les couilles, non? Ouais, c'est le sac qui contient les couilles, le scrotum. Scrotum, c'est sac à couilles. C'est bien foutu quand même. Il y a un nom pour tout. L'anatomie. Dans Rosie Jones, ils en parlent de ça, du scrotum? Non. Non, mais il y a de la diarrhée et du vomi quand même. Ouais, il y a pas mal de trucs comme ça. Ouais. Ouais, de la morve aussi, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Mais donc, au niveau des couilles, une douleur, j'imagine. Alors, il y a une douleur, mais il y a quelque chose dedans qui se passe. De l'eau, c'est de l'eau. Pas de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau, mais pas dans les couilles. Okay. Non. Du liquide, il y a quelque chose salin. Qui se passe. Ouais. De la lymphe. Et qui s'appelle Oreo Kesa. Ah, mais ça te fait pas une hernie, genre tes organes ils descendent dans les yeux? Non. C'est... Alors, c'est un peu dégueu, mais c'est pas dégueu à ce point. Ça reste à l'intérieur. Il se passe rien de. Ok. Dedans les testicules. Attends, c'est pas dégueu, visiblement je suis titeuf. Une phrase de physio, ça. Ouais. Dedans les testicules. Dehors la bite, mais dedans les. Qu'est-ce qui se passe dedans? Pensez à l'infection. Ça rend stérile, en fait, peut-être. Alors, peut-être que ça rend stérile. Ok, c'est pas du pu dans les bonus. Couilles. En bonus, le gars, vous êtes stérile. T'as du pu dans les couilles. Qui est une chanson de Patrick Sébastien. Mais non, c'est pas du pu, mais c'est après stérile. Le mec il dit ouais, j'avais pas vraiment l'intention de là dans l'immédiat. Non, c'est maladie qui un peu tropicale peut-être quand on ramène des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un ver solitaire. Non. Alors il y a de ça. Ah non, mais j'ai demandé tout à l'heure s'il y avait un insecte. Ah, j'ai pas entendu. Excuse-moi, Adrien. C'est horrible. Je te présente toutes mes excuses. Ah non, mais si. Ah, ça me dégoûte. Alors on va vite passer à autre chose. Je vais vous donner la bonne réponse. Non, ce sont des vers. Ah non. Mais pas des vers qui font. Parce que la phrase est pas mal. Ce sont des vers qui dansent. Il y a des. Oh, c'est trop mignon. C'est stylé. Okay. Ok, c'est cool. Ça, c'est dans. Et qui sont fluo. Il a des vers qui dansent dans son scrotum. Et qui font des. Qui est une chanson de Bernard Lavilliers. De Bachoum. Il a des vers dans son scrotum qui dansent. Sympa. En Inde, des vers dansants ont été décelés dans le scrotum, donc sac de peau. Donc au fait, trigger warning pour tout à l'heure, trigger warning d'il y a une minute. Alors. Ils ont fait un film Bollywood sur cette Corée, cette Corée de vers indien. D'un patient de 26 ans ausculté pour des douleurs testicules, le jeune homme présentait également un gonflement, évidemment. Infection parasitaire, les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l'homme par des moustiques. C'est ça qui les bâtards. D'accord. C'est les moustiques qui te piquent et qui t'amènent ça. Des larves de moustiques. Des larves, mais du coup qui dans les couilles quoi. Mais assez dingue. En plus des grosses couilles qu'il a, quoi. C'est ça, ouais, en fait, je pense même qu'il grossissent, je pense, pour laisser de la place. Tu sais, les verts, quand ils dansent, ils veulent de la place. Sinon, ils se cognent. Ils poussent les chaises dans les couilles. Ah, sinon, ils disent qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. On retombe sur Sébastien, t'avais raison. Ah ouais, putain, ça régale. Mais c'est horrible parce que déjà, t'as des couilles énormes. Tu dis là, franchement, il peut rien m'arriver de plus. Et là, t'entends des verts qui dansent. Si, t'entends. Au début des années 80. Je me souviens. À Lyon, des jeunes lycéens ont obtenu. Est-ce qu'ils dansent sur du Bon Hiver ou J'aime bien des fois lancer des tunnels de. Non mais des tunnels de jeux de mots. Ouais, pas mal. J'ai pas d'autres. De... Non, ouais. Moi je n'ai pas non plus. Ouais, en plus, dur. On essaye de changer de sujet. Donc... À Lyon, des jeunes lycéens ont obtenu 11,75 en trichant à devoir, mais ils ne seront pas sanctionnés pour leur triche. Comment ont-ils triché? ChatGPT-3. Oh la vache, très bonne réponse. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens peut-être ce qu'est ChatGPT? Vous savez pas ce que c'est? Non. Les auditeurs, en tout cas, peuvent ne pas savoir. C'est l'intelligence artificielle où tu lui dis... Fais-moi ça. Moi, je l'ai un peu utilisé en vrai parce que je bosse sur un dossier de série et je voulais me renseigner sur différents métiers, tu vois. Mmh. Et je lui disais, décris-moi brièvement tel métier. Et en une phrase, ils te disent ce que c'est. Ça t'évite de lire des trucs avec une intro dont tu te bats les couilles. Et t'as tenté, écris-moi la Bible de la série. Ouais, et c'est bon, ça y est. En vrai, tu rigoles, mais il y a un mec qui m'a... J'expliquais, je lui donnais des conseils comment faire une série. Et il m'a dit, ah bah si je mets tout ce que t'as dit dans le truc, on va voir ce qui se passe. Et ça a fait Game of Thrones. Non mais ça faisait un truc efficace quand même, il comprenait un peu le truc et c'était une bonne base pour travailler. Ouais mais j'ai vu un stream, un live d'Antoine Daniel où il jouait avec ce truc avec pendant longtemps. Avec le LED de Mintos là, c'est ça? Ouais c'est ça. Ouais, je l'ai vu. Il y a ça et les Watch The Cat aussi. Où le gros JDG. Ouais j'ai vu. C'est très marrant. Mais j'ai en revanche quand même, ça a ses limites parce que justement en bossant sur ce dossier là, je voulais me renseigner sur, en gros, des catastrophes naturelles historiques qui sont arrivées. Et je me dis, bon, j'ai cherché sur Google au début. Et t'as dit la naissance de Mélenchon. Tu fais, la ChatGPT, il y a un truc un petit peu orienté. Non, mais je me suis dit, en fait, je vais lui dire, liste-moi des catastrophes naturelles. C'est une chanson de Priscilla, ça. Liste-moi, déliste-moi. Ouais. Et liées à tel truc, enfin tu vois, et il me fait une liste, la catastrophe de 100 machins au Pérou, tout, et il me fait une liste, je fais putain c'est chambé et tout, et je fais je vais quand même aller me renseigner sur Google sur ces trucs, aucun n'existait en fait. Donc quand même il invente de des trucs des fois. Que des faux trucs quoi. Des fois il invente quand même, donc faut alors quand même se méfier quoi. Tu me tends une immense perche tout bien simplement. Sûr. Grave-le tout ça. Pour revenir à cette histoire de Lyon, grave-le, ce sont des. Il te tend une immense perche. Ah oui. Je crois que tu de demander de le graver. sur un CD, oui, sur un DVD R. Grave-le-moi. Ce sont des similitudes qui ont mis la puce à l'oreille de Stéphane Bonvalet. Ce professeur en handicapologie, intervenu à la faculté de Lyon par le passé, avait demandé un devoir maison à des élèves sans divulguer le cadre de l'enseignement, contrairement aux premières informations. Bon, ça c'est beaucoup de détails. Sur les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe. Lors de la correction, il repère une construction identique des arguments se ressemblant, mais sans jamais tourner au plagiat. Face au doute de triche, Stéphane Bonvalet raconte au Progrès en avoir discuté directement avec une étudiante. Elle reconnaît alors que la moitié de la promotion de 14 élèves ont eu recours à ChatGPT. C'est-à-dire que c'est même pas des collégiens, c'est des gens en truc supérieur. Quoi. Le professeur a bien été embêté face à cet aveu. Il ne s'agit pas directement d'une triche. N'ayant pas de cadre interdisant actuellement cette pratique, j'ai été contraint de les noter, explique Stéphane Bonvalet au quotidien local avec des notes allant de 10 à 12,5. L'enseignant a conclu que les 7 devoirs issus de ChatGPT auraient tous 11,75. Le recours à ChatGPT serait particulièrement répandu dans les lycées, explique le professeur. Il reconnaît néanmoins ne jamais avoir pensé qu'une intelligence artificielle serait assez puissante pour rédiger des devoirs à la place d'élèves en master. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les écoles ont déjà tranché. L'usage de ChatGPT a été interdit dans les établissements new-yorkais. Là encore, les effets négatifs sur l'apprentissage sont pointés du doigt, capables de générer à peu près n'importe quoi. Ces devoirs scolaires des devoirs scolaires aux histoires drôles, en passant par les recettes de cuisine. Et le corps enseignant s'inquiète surtout de l'exactitude des contenus générés. Depuis son lancement, plusieurs utilisateurs se sont rendus compte que les textes de ChatGPT pouvaient contenir des fausses informations et des explications trompeuse. Donc tu vois, c'est ce que tu disais. T'as sur beaucoup les... dit ChatGPT, mais j'arrive toujours pas à trouver le nom normal. Je vais le banaliser au bout d'un moment. Pour l'instant, bah ChatGPT, c'est pas un truc français, j'imagine. Quoi. Non, c'est chat. On avait une conversation entre les parties d'un team de. Et c'est, c'est pas GPT. Je te préviens, chat, c'est GPT. Je te préviens. Est-ce que vous étiez des tricheurs à l'école? Ou est-ce que vous avez déjà un peu triché? Non, moi je suis un mec entier, donc c'est soit je faisais le truc, soit je le faisais pas du tout. Alors, il y a pas de tricherie quoi. Si je... Attendez, mais moi, vous oui. trouvez pas que juste. Mais de la triche légale, je tease, vas-y Alice. Ouais. Juste, vous trouvez pas que c'est bizarre qu'il aurait quand même mis une bonne note et. Est-ce que c'est pas un prof qui utilise lui-même ChatGPT pour corriger, pour corriger. Je l'ai trouvé trop indulgent, ouais, ce prof, en mode bon, vous savez quoi, c'était plutôt malin. D'ailleurs, c'est un prof qui correspond que par email. Et en fait, c'est utile, GPT pour tout. C'est un robot aspirateur. Il a 13 ans. Ça se voit que ça l'a rangé. Ouais, s'ils leur mettaient zéro, ils disaient ils vont peut-être enquêter. Et ouais, après, ils vont me balancer, tout ça. On va se... Alors là, il s'est dit bon, allez, ça reste entre nous, on l'utilise tous. Chez lui, il rentre et il tape corrigez-moi toutes les copies. Mais non, mais cela dit, c'est vrai que ça pose un peu un. Parce qu'en vrai, en soi, c'est pas faux leur truc, quoi. Tu vois. Ouais. Genre, il va falloir rajouter dans chaque consigne sans utiliser ChatGPT. Oui, j'arrive toujours pas à. Mais d'un autre côté, si t'es, tu vois, c'est comme si t'as un mec qui est en école d'art, tu dois faire un dessin et il utilise Midjourney. Ouais. Tu fais non, je. Ouais. tu vois, c'est... Mais moi, je me souviens au lycée, il disait pas le droit à Wikipédia. Et tu disais. Mais bah, ça, c'est débile. Moi aussi, moi, ça existait déjà quand j'étais au lycée, bien sûr. Non, mais attends, ils disaient ça, les profs. Pas le droit à Wikipédia. Et tu dis, c'est absurde. Quand même une encyclopédie en ligne, quoi. Donc, oui, c'est quand même assez utile. Absurde de dire pas le droit à Wikipédia. Non, je pense qu'ils c'était plus genre copier-coller, j'imagine. Oui, tu vois, d'accord, c'était un mais... truc comme ça. Mais enfin, ils disaient, du coup. Ils ont pas compris. À la bibliothèque. Vous n'avez pas le droit de réfléchir, d'ailleurs. Pas le droit à des connaissances. Pas le droit au stylo. Aucune connaissance ne doit être utilisée. C'est fou ce que tu dis. Inventé. En disant bibliothèque, ça m'a fait un flash. Ça m'a fait penser quand j'étais à la bibliothèque. Quand j'étais petit, il y avait écrit la photocopie tue le livre, et je croyais que ça foutait le feu au bouquin. Ouais, moi je comprenais pas ce truc-là aussi. C'est ouais. ça. Alors qu'en fait, la photocopie tue le livre, c'était. C'est pas précis. Bah, en fait, ça nique. Enfin, tu vois, faut tu acheter qu'on en des a parlé livres. Dans le podcast où j'avais la gueule de bois. Oui, ouais. Parce que j'avais même dit t'as que vu, c'était je me rappelle. Le photocopillage, il disait. Oh. Parce que ça pillait justement. C'était l'indice. Et moi, je comprenais pas. Je me disais merde et tout. Apparemment, les pages, elles sont fragiles. Ça efface. Moi, ça efface. Moi aussi, c'est marrant. Effectivement, on en avait parlé avec VDB. Oui, et d'ailleurs, il y a un petit groupe sur Facebook qui répertorie, enfin dans le Nurshee de Floodcast, là, qui répertorie toutes les fois où on se répète. Bien sûr, nous sommes fatigués, vieux, et ça parti. Fait 8 ans, donc malheureusement. Répertoriez les fois où vous avez que ça à foutre de dire qu'on se répète. Ça, je l'ai déjà dit ou pas? Je vous baise en fait. Wow, wow. 2023. Je vous baise, je l'ai déjà dit. La triche. Ouais, j'ai coupé. Et Aurel, pardon. T'allais non, dire que tu trichais à fond. Alors, triche illégale. Ouais, non, triche légale. Alors, comment t'appelles? Qu'est-ce légal, que c'est légal? Oh, alors, bien sûr. Le café. Bien sûr. Alors, la triche légale, c'était au bac. Parce qu'il fallait quand même que ce soit légal. Ah ouais, c'est chaud là. Parce que le bac, après, t'as plus le droit d'exercer. Ouais, bah oui, attention. Ouais. Parce que mais c'est légal. Donc c'est bon quoi. Ok, vas-y. Okay. Mais effectivement. Alors, la technique, je vous la donne. Hein, c'était pour l'allemand. Parce que l'allemand, moi, c'était compliqué. Parce que j'ai arrêté l'allemand en seconde. Mais d'accord. À un moment donné, au bac, il fallait quand même que j'ai mon bac d'allemand quoi. Alors, excuse-moi, pardon, je t'interromps. Pourquoi t'as arrêté en seconde et t'as. Ça au bac. En première, t'as dit. Non, il a arrêté dans sa tête. Non, j'ai arrêté dans ma tête. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais là, j'en revenais plus en cours. Il a mis stop au. À un moment donné, j'ai arrêté les maths et l'allemand, quoi. Okay. Et du coup, j'ai pris beaucoup de cours de maths. Au premier bac blanc en maths, j'ai eu 3. Ah oui, c'est peu. Et au bac, j'ai eu 15. Moi, j'étais en ES, hein, je précise, j'étais pas non plus en mais S. Ouais, mais quand même, ouais, j'ai taffé de ouf. C'était très bien. Ah ouais, c'est énorme. Attention. Big up à mon prof Ali Medeb qui a tout donné. Et grâce à lui, j'ai eu une très bonne note. Mais bref, donc ça, c'était pas de la triche. Ali jouait le patron du gorille. Ouais, c'est un autre. Mais ah, ok, pardon. C'est un autre. Incroyable. Ali aussi, une big up à oui, Ali bien aussi. Sûr, putain, mais vous connaissez depuis longtemps ou ouais, ouais, et on connaît beaucoup de Ali. Ouais, je vois ça. Donc, pour l'allemand, c'était la triche légale dans le sens où en fait, je me suis dit, bon, je suis nul, mais il faut quand même que j'assure mes arrières. Comment je pourrais faire pour faire en sorte d'avoir une note pas trop dégueu? Et en fait, j'ai fait deux choses. J'ai appris 50 mots de vocabulaire un peu compliqués, mais un peu passe-partout, en me disant, tu essaieras de les placer comme tu peux le plus possible pour montrer que tu as l'air un peu de gérer les trucs. C'est plus simple que d'apprendre la grammaire, parce que ceux qu'on fait allemand, vous savez, les déclinaisons et tout, c'est une catastrophe. Ah ouais, putain, c'est tellement compliqué. Donc j'ai fait ça et j'ai utilisé effectivement 25 de ces mots et ça a bien marché. Et l'autre technique que j'ai faite, c'est que j'ai appris à dire « Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'énoncé. J'ai compris ceci. » Et là, je reformule la question par rapport à mes mots de vocabulaire. Oh la vache. Et ensuite, je dis « Si ce n'est pas ça, excusez-moi. » Et je déroule mon truc. Et j'ai eu 12. Waouh! Wow. Mais ça se trouve, t'avais compris. Mais t'es un génie du mal. Bon, pas trop. Enfin, je peux pas te savoir si j'avais pas. Mais, okay. Et j'ai eu 12, sachant que j'ai pas eu la moyenne en allemand de l'année de terminale, tu vois. Oh, et mon pote avec moi à côté de moi, qui était Pierre Lavallée, Ali Lavallée, qui était très fort en allemand et sur qui je copiais dans l'année un peu, tu vois. Même si juste pour pas avoir 0, pour avoir 4. Ouais. Et lui, il a eu 13, alors qu'il a taffé toute sa carrière, sa carrière d'allemand. Et il a eu 13, et j'avoue, il a eu un petit seum. Et ma prof aussi a eu un petit seum, parce que cette technique, je l'ai fait au bac blanc. Et mon bac blanc, il était corrigé par. Par elle. Et en fait, il était en, je sais plus trop, ça recommence à remonter parce que j'ai 24 ans. Ouais, et il y avait deux correcteurs qui corrigeaient le bac blanc. Et en fait, si ça avait été la même personne, ils auraient cramé que je connaissais que 25 mots. Oui. Parce que en gros, j'ai fait la même chose dans les deux parties. Ah ouais. Et ma prof, elle m'a rendu le truc en me disant, c'est un scandale. Mais bon, bah, je peux pas te foutre zéro, mais je suis vénère. Putain. Et quand j'ai eu 12 au bac, elle m'a pas félicité, quoi. J'ai senti, elle avait un seum, quoi. Une ordure, quand même. Ouais. Je ne cite pas son nom, je cite beaucoup de noms, mais cette Ali-là, je la Ouais, tu dis pas le nom de famille de cette Ali. Mais voilà, c'est de la triche légale, on peut oui, dire. Oui, ça va, franchement, ça va, parce que t'as quand même un truc de je taffe. Ouais, mais la technique taffe. De je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais, c'est ouais vraiment, non, ça la technique passe, est atroce, casse, mais quoi. Pour moi, c'est pas, c'est même, j'ai dit un truc, c'est même pas de la triche pour moi. Bah oui, parce que je pense que ça marche pas tout le temps déjà. C'est ça, c'est plus une façon de ken le système que vraiment tricher. Là, je pense que. Bah, j'étais un petit filou. Non, mais le gars qui a corrigé, il a eu de la sensibilité. Non, mais ça, il y a des profs qui auraient pu se dire qu'est-ce que je m'en fous. Ouais, oui, il s'est peut-être dit malin la triche. Malin la triche légale. Quand même, quoi, tu vois. Ouais, pour moi, il y a un moment où tu bosses chez toi quand même. Souvent, d'ailleurs, c'était ça. Moi, j'étais pas un gros tricheur, mais ça m'est arrivé de tricher. Mais par contre, quand je trichais, c'était vraiment comme un gros bourrin, quoi. Genre, vraiment, je me souviens, j'avais un devoir sur Candide de Voltaire et j'avais pas lu trop le bouquin. Bon, bah, pendant le contrôle, j'avais ramené le bouquin et je lisais dans le bouquin en scred, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas au bac là, on dit. Parce non, que pas Simon, au bac, moi. Sinon, tu le retires. Ouais, je sais, et t'es foutu si t'as plus ton bac. Non. Ouais, bah là, ça se vautre. Non, c'était pas au bac, mais tu vois, il y avait des gens, mais ils t'a fait, genre, ils recopiaient absolument tout sur des feuilles de brouillon. Moi, j'étais genre, mais du coup, ça n'a aucun intérêt de tricher, enfin, boss, quoi, tu vois, parce que vraiment, c'est la même chose. Toi, Anis, t'as déjà triché ? Bah, c'est fou que tu me poses cette question, parce que moi, j'avais un blog, enfin, un Skyblog, qui s'appelait, je t'ai raconté ça, qui s'appelait En mode triche. Oh, en mode, incroyable. En mode. Ah, donc on était début des années 2010 là. Ah ouais. Non, c'était 2004, 2005. Roi 2F en mode. Bah ouais, dans le 7-7, ça arrivait 6 ans après. En mode, ça existe beaucoup grâce à Rof. Ouais. Et la mixtape, je pense, elle date de 2004-2005. Ouais. Putain. Donc c'était pile, j'avoue, là, j'étais en mode. T'étais en mode hype quoi. T'étais en mode ouais, c'est ça. En mode. Et du coup, elle s'appelait En mode triche. Il a été Skyblog Star pendant au moins 6 mois quoi. Putain, ton profil était un petit gif animé ou pas encore? Non, pas encore. Et en gros, c'était un Skyblog anonyme. Je voulais pas qu'on me retrouve. Bah, bien sûr. Et quand je dis Skyblog star, c'est genre des commentaires. Il y en avait, je sais pas, 60 par c'est post. Énorme pour Skyblog. Mais tu vois, c'était pas un buzz de fou malade. Mais moi, j'étais investi de ouf. C'est-à-dire que des fois, il se passait des injustices en classe et je me disais, je vais me manger ce soir. Je vais donner de la triche à la France entière. Mark Zuckerberg, putain. Et du coup, j'ai plus de souvenirs parce qu'à un moment, les gens, ils me disaient, dis ça. Tu sais, au bout d'un moment, quand ça marche, un blog, juste tu reprends les commentaires et, et tu le fais, tu vois. Ouais. Mais au tout début, je me souviens. La leçon numéro 1, c'était la main visière. J'avais appelé ça la main visière, c'est juste de mettre la main comme ça et travailler pendant que et juste il met la main au-dessus de ses yeux. Et j'expliquais dans le détail, pour genre pour copier sur le gars d'à côté, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'expliquais dans le détail l'angle que ça permet de faire la main visière, combien de temps il faut le garder. Castor Junior, quoi. Oh la vache, c'est génial! Et j'étais à fond, quoi. Je me disais, tiens, l'école, ce que tu me fais, je me venge. Moi, j'avais une technique de triche pas mal en allemand parce que c'était mon vrai problème. J'avais un vrai problème avec l'allemand. Ouais. Mais c'est parce que j'ai, voilà, c'est la famille, tout ça. Enfin, les Allemands, tu sais, on avait le droit d'être fâché après eux. Je refusais d'apprendre l'allemand. C'est attends, un geste politique. T'étais quoi, à l'école dans les années 50. Yodagisme. Juste après la guerre, on était énervés. C'est juste que c'était atrocement dur. T'étais en Alsace. Attends, pourquoi l'avoir choisi? Parce que dans se venger de la guerre, c'était les meilleures classes si tu n'étais ton gamin en allemand première langue. Parce que j'étais allemand première langue. J'ai fait 7 ans d'allemand. Le ringard. J'ai fait 7 ans d'allemand, les amis. Et je connais 4 mots. Les 50 mots de vocabulaire, je les ai oubliés. Bah, bien sûr. Et l'autre technique était pas mal. Et en plus, parce que j'étais toujours à côté de ce même pote là pendant tout mon lycée. La Vallée. Ouais. Et je mettais je mettais une grosse pile de tous les livres que je pouvais entre nous deux, en mode vous avez vu madame et tout est classeur et tout debout machin, et c'est pour pas tricher, vous avez vu, t'es genre un truc, je peux pas tricher. Mais en fait, cette pile de livres, à un endroit je mettais genre un stylo, un truc, et je mettais une anti-sèche, tu vois. Ma mère écoute pas le Floodcast, heureusement, sinon je serais en stress. Déjà si... tout ce que t'as dit sur l'Allemagne, elle en a, tu vois, ça lui fait mal au cœur. Et si c'est... d'un coup la prof avait une suspicion, et ben j'avais juste à faire schlack, tirer le petit stylo, va retrouver l'antisèche sur 14 livres qui nous servaient de barrière, tu vois. Alors ce qui était relou, c'est que je devais amener 14 livres à l'école. Oui, ça, le sac à dos. Le sac à... Ceci dit, moi, mes sacs, hein, il y avait beaucoup de choses, hein. L'école, les mal de dos, là, allez, on en avait pas mal assez, au dos, hein, à l'époque, c'était un vrai sujet. C'était mais elle est pas mal sujet. Cette technique, je vous la donne, mais il faut que je prenne 10% de votre note. Donc oui, Adrien, tu disais que tu trichais pas, mais alors toi, je sais que récemment, tu as développé un véritable amour pour le jeu de société. C'est vrai. Comment on est avec les tricheurs sur les jeux de société? Ah, là, c'est ça peut partir en poignard, quoi. Tout de suite. Non, mais en plus c'est marrant. On en avait déjà parlé, je crois, dans un podcast, mais il y a vraiment longtemps. Mais pour moi, c'est horrible parce que tu vois, le jeu, pour moi, les jeux, hein, vous savez que j'adore les jeux et tout, mais parce que c'est vraiment le... Tu sais, c'est vraiment la petite bulle où il n'y a plus tous les problèmes et tout machin. Et genre, si tu vas amener de la tricherie là-dedans, c'est, pour moi, c'est horrible, quoi. Bah, si t'amènes la politique, t'amènes la droite dans un concept sympa, non, quoi. Mais t'amènes un truc de genre... Bah, et bien, en plus, il y a un truc vraiment égoïste parce que tu dis, bah ouais, toi, ça t'amuse peut-être, mais en fait, tous les autres, du coup, ça leur gâche le jeu, mais, quoi. Mais moi, j'avoue, j'arrive pas à comprendre comment c'est amusant de tricher. Moi, je suis un peu comme toi. Et puis, il y a un côté un peu genre le mec qui triche en mode hey, je suis trop malin. Tu fais non, mais moi aussi, je peux le faire. Oui, en fait. C'est mais ça. Si tout le monde fait ça, c'est frère, exactement tu ça. Peux tricher parce que nous, on le fait pas. Donc, moi, j'avais ça. J'ai des potes, on jouait au Uno. Et en fait, tu vois, ils planquaient des cartes sous leurs cuisses et tout. Et à la fin, ils disaient hey, regardez et tout. J'avais planqué des cartes. Tu fais oui, mais c'est à la portée de n'importe qui. En fait, c'est toujours ça qui me rend fou aussi, quoi. C'est genre, bah oui, enfin, t'as là, gâché le jeu, quoi. C'est cool, barreau, quoi. Il y a genre une semaine et tout, je suis à un concert, je kiffe et tout. Et à un moment, les musiciens, ils disent qui veut chanter ? Je monte, je chante. Bon, bref. T'as bien chanté. Pour l'instant, rien à voir. Les gens, ils ont applaudi. C'est un concert lambda, quoi. Enfin, non, ça nous est tous déjà arrivé. Non, il y avait genre, je sais pas, une trentaine de personnes. Bon, c'était PNL. Et voilà, je fais le concert. Non, mais. Et du coup, j'aime bien faire un jeu. C'est un truc que je fais dans mon émission de radio. C'est que je mets du R&B, j'appelle ça Wikipédia. Ah oui. Et je lis un truc Wikipédia en chantant, quoi. Ouais. Et là, je lis Cyril Hanouna. Et en fait, son début de vie est fou, tu vois. Il a rien à voir avec ce qui... Et c'est impossible de trouver. Ouais. Parce qu'en même temps, je voulais chanter. J'avais pas envie qu'on me coupe. Ouais. Il y a une meuf, elle dit Cyril Hanouna. Et je suis en mode, what ? J'avais dit juste, son père est dans les assurances, un truc comme ça. Ouais. Et elle dit Cyril Hanouna. Et moi, tellement je suis naïf, je dis, mais incroyable. Mais enfin, du coup, t'es fan de fou de Cyril Hanouna. Mais ok, je passe à autre chose. Et après, le concert se finit. Ma meuf qui était dans le public, elle me filmait. Elle était derrière cette meuf. Elle me dit, elle a tapé sur Wikipédia. Ah oui, le début de phrase. Ouais, mais je veux dire, tu vois là, on est dans un concert. Bah, elle a du crédit. Non, mais, oui, mais c'est je veux ça, dire, c'est mais même, quoi. Je veux dire, on est à un moment où il y a quelqu'un qui est gentil, qui est monté sur scène pour faire un petit jeu, participer. Qui chante trop bien, qui est trop beau. Pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire, quel est l'intérêt de. Enfin, est-ce que c'est une victoire de se dire yes, j'ai trouvé avant tout le monde. Et en plus, tu passes pour la plus grande fan de Cyril Hanouna, c'est quand même la pire chose. De ouf. Et en plus, moi, je l'ai un peu roasté là-dessus, mais sans faire exprès. J'ai dit, t'as des posters et tout. Après, j'ai oui. Non, j'ai vu que là, elle était en mode, j'avoue, c'était pas le bon moment pour tricher. J'ai l'air d'être la fan de ouf de Cyril Hanouna. Mais bref, du coup, je trouve ça tout le temps absurde. Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas les gens qui sont un peu éduqués dans un truc de compétition nulle où justement être un perdant, c'est vraiment, j'allais dire être un loser. Oui, c'est, bah, c'est, un, ça, c'est la version anglaise. C'est vrai que quand on joue au jeu, par exemple, nous, je sais pas si on veut forcément gagner à tout prix. On est là pour c'est ça. Non, moi, je suis quand pas tu rentres le truc vouloir gagner à tout prix, bah peut-être que du coup, la logique triche peut rentrer moi, dans l'équation. C'est quoi. Ça. Pour le coup, moi, je vais gagner à tout prix. Je suis méga compétiteur. Mais si je gagne en trichant, je suis dégoûté. J'avoue, moi, quand je joue aux cartes et que je vois les cartes de quelqu'un, je lui dis sinon ça gâche moi, tout le plaisir. Justement, je suis tellement compétiteur que quand on m'aide, bref, je suis tellement algérien aussi, mais bref, quand on m'aide et tout, on me dit tiens, Anis, on va t'aider. Je dis non, tu vois, je veux gagner vraiment pour de vrai. J'ai eu ça récemment sur un Trivial Poursuite. Ouais. Genre, quelqu'un a voulu un peu genre m'aider et ça m'a rendu fou. Bah, et c'est un peu condescendant en fait. Ouais, et en plus, j'ai gagné au final. Et vraiment, ça a enlevé toute saveur à ma victoire, quoi. Parce que j'ai dit, bah ouais, mais on t'a aidé. Bah, il y avait un peu de ça, quoi. Il y avait un peu. C'était ta meuf. Bah, pour moi, tricher. Évidemment. et tricher, c'est ça. Ça devrait te faire ça. Tu devrais te dire, bon, bah, c'est nul, en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais en plus, je sais pas si vous avez vu, maintenant, il y a carrément des éditions. J'étais dans un magasin de jouets, j'ai un enfant, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Et il y avait des Monopoly spécial tricheur. Je comprends même pas le concept. Moi, je pense, en fait. Si c'est une boîte vide. C'est, je suis content. Le mec, c'est, il achète. Et il, c'est une boîte vite. Et c'est le bonhomme Monopoly qui fait un wad, qui fait un doigt d'honneur. Non, mais tu vois, spécial. Une édition Monopoly spéciale mauvais joueur aussi. Très bizarre. Parce que Monopoly, moi, j'ai beaucoup joué avec des gens qui trichent. Tu sais, qui piquent dans la banque, tu vois, qui trouvent les trucs et tout. Est-ce qu'ils vont aller jusque faire la Coupe du Monde spéciale tricheur? Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Et on regarde un autre sport et tout. Après, ouais, sur Monopoly, tu comprends un peu plus la logique. Si tu kiffes jouer au Monopoly en mode acquisition, truc, ouais, déjà machin, de base, t'es dans un truc un peu. Un peu de. Bah, il faut que tu triches avec les règles. Pire pour payer moins moi, c'était les pires parties, moi, le Monopoly. J'ai jamais aimé jouer au Monopoly. Déjà, ça dure 1000 ans. J'ai jamais joué au Monopoly. Ah ouais, de ta vie? Ouais. Putain, à part le, celui, tellement à gauche, part le mec. Monopoly McDo. Ouais. Là, j'en ai beaucoup mangé. Ça, c'était horrible. Il y a une très bonne vidéo de Sifkin sur ce sujet parce que moi, j'ai été très addict à ça parce que. Bon, putain, bon, je pars encore sur autre chose, désolé, mais une des premières fois que je joue au Monopoly McDo, donc je suis petit, tu vois, je gagne un lecteur MP3. Mmh. Genre directement sur la vignette. Donc incroyable. Truc de ouf quand même. Parce que franchement, un lecteur MP3 à l'époque, de la marque Creative, je me souviens très bien. Oh, et donc, pas de la merde en plus. Ouais, non, c'était non, très vrai, cool. Creative, non, très on cool. a tous eu des enceintes créatives sur notre PC. C'est tout ça. Et moi, c'était un petit MP3 créatif chambé, tu vois. Donc j'étais comme un ouf. Sound Blaster. Et derrière, et du coup, derrière, jusqu'à récemment, parce que maintenant c'est vraiment nul, quoi. Tu dois aller sur le site, etc. J'étais très addict au truc du Monopoly. Parce genre, ils t'ont eu la première fois. Et je disais, je peux gagner. Genre, j'ai déjà regardé les plateaux des gens qui allaient jeter. Sortir les petits trucs et je l'ai fouillé dans la poubelle pour récupérer les gobelets ouais, avec d'accord. les trucs. Non, mais j'étais. J'ai sucé un gars en me grattant et tout, mec, s'il te plaît. Contre un Big Mac, donne-moi juste le gobelet vide. Non, j'étais à fond dans ce truc-là. C'était un truc de malade, ce truc-là. Parce que moi, j'étais beaucoup sur les jeux. Mes grands-parents et tout, c'était beaucoup dans les jeux à gratter. À Noël, ils m'offraient des enveloppes de jeux à gratter, par exemple. Donc j'étais beaucoup dans les trucs genre. Ouais, deviens riche. Ouais. S'il te plaît, deviens riche. Oui, c'était ça, c'était vraiment le besoin de devenir riche, quoi. T'étais un gambler, quoi, en fait. Putain, mais. Jacques Gambler. Oh, bien sûr. Transition magnifique. Les McDo subissent une vague terrible de vols sans précédent. Que leur arrive-t-il? Ah ouais? Ouais. Des vols de. Ah, bah de vaisselle, parce qu'il faut mettre des. Il faut mettre des vaisselles plus jetables. Et très bonne réponse de pardon, Aurélien. Ah, genre, non, les boîtes bien. Là. Moi j'avoue, j'ai rien compris. Alors, c'est un arc, ouais, je l'ai mal dit. Ouais. Non, mais depuis je peu. Dire déjà en de la allemand, vaisselle au McDo, ouais, déjà. Dis-le en allemand, je pense. Ça fait longtemps que je suis pas allé au McDo, mais c'est de la vaisselle. Ça, exactement. En fait, depuis peu au McDo, pour être un peu plus écolo, c'est plus dans du carton, dans du papier, c'est plus des gobelets en carton, c'est dans des vraies vaisselles. Donc ah oui, en fait le en alors, plastique j'imagine. Oui, en plastique mais oui, mais qui c'est garde bien, c'est bien, c'est écolo. Oui, mais qui nettoie, enfin tu vois les frites sont dans un truc voilà qui réutilise le gobelet dans un verre maintenant, tu vois. Enfin le coca pardon est dans un verre. Depuis le 1er janvier, les enseignes de restaurants rapides sont confrontées à une nouvelle règle qui bouscule leur modèle traditionnel. En effet, les emballages jetables sont désormais interdits pour la consommation sur place, obligeant les McDonald's et autres KFC à proposer à leurs clients de la vaisselle réutilisable. Si les premiers tours sont plutôt mitigés, les enseignes doivent aussi faire face à de nombreux vols comme le rapporte une enquête du Parisien. Nous constatons des pertes mais les taux de sont pas démesurés comme dans les restaurants classiques, confie au journal Benjamin Perry, fondateur de Pixo, bon, qui met cette disposition, qui met à disposition non, cette de quoi, vaisselle. Pixo ouais, c'est eux qui font de la vaisselle. Pixo au magazine. Ouais. Il a donné tout son argent à McDo. Non, mais c'est eux qui font la vaisselle, en gros réutilisable. Parfois, on constate même que les contenants réapparaissent quelques semaines après, parce que des fois, c'est juste de l'oubli. Donc, les gens disaient, en fait, ah, ce qui est nouveau, chiant, quoi. C'est qu'au McDo, ce que j'aimais bien, c'était me prendre mon menu, et des fois, je finissais pas mon grand coca et je le finissais sur le trajet. Tu vois, quand je vais au métro ou quand je vais me balader, donc du coup les gens se barrent avec le gobelet et se rendent c'est compte c'est ton après. Excuse pour la vaisselle McDo. Non, moi j'aurais pu ado, je l'aurais piqué je pense, mais juste pour l'avoir chez moi parce que j'avais un truc avec le McDo quoi, je trouvais ça stylé quoi. Bah, l'avantage c'est que les gens doivent moins laisser les plateaux. Moi j'ai fait 8 ans de McDo et c'est vrai que les gens qui laissaient les plateaux sur la table, c'est un peu relou. C'est donc là au moins bah du coup les gens laissent plus les plateaux sur la table parce qu'ils les volent. Ils les volent tout simplement. C'est la solution. Et du coup certaines vaisselles sont maintenant équipées de la puce à tag RFID, une étiquette collée au dos de la dite vaisselle permettant de suivre chaque récipient une fois à la fois destiné à dissuader ceux qui entrent prendrait de les voler, mais aussi pour tenir le compte et recommander de la vaisselle mais qui viendrait c'est à manquer. C'est les trucs qui bipent à la sortie. Bah là, ça bipe pas visiblement. Non, ça bipe pas parce qu'il y a pas si, encore. Si. Non, mais tu sais, les trucs comme les trucs anti-vol des magasins. C'est ah oui, ça, peut-être, en fait. Peut-être. Mais en tout cas, il y a pas le truc à la sortie, ouais, du McDo. Qui bah, fait je que pense ça sonne. Que si, parce que bah non, pas encore. Une puce RFID, tu peux pas la. C'est pas un truc que tu peux traquer RFID par. Ah, ouais, bien sûr. Non mais je connais, j'ai mon truc de hacker, je peux copier les puces RFID. Non mais c'est pour te dire que c'est des trucs, les puces RFID, c'est genre les badges de porte et les trucs comme ça quoi. D'accord. Bah, donc, écoute, en fait, l'article ne le dit pas, mais en tout cas, visiblement. Je te dis, en tout cas, tu peux pas le traquer, c'est pas un truc. En tout cas, la honte, tu sors du McDo, ça sonne, franchement. Vraiment, mais qu'est-ce que t'as pris? Bah, oh pas. Mince, j'ai oublié. J'avais oublié que c'était. Ouais, ok, ouais. À Saint-Brieuc va ouvrir un musée ô combien particulier, un musée de quoi? C'est très large, évidemment, il faut poser des questions. Le musée du beurre. Non. D'où ça t'est venu comme ça? Bah, la Bretagne, le beurre. Ah, Amman. C'est rapide. Est-ce que c'est un truc lié à un truc moderne, quoi? Genre, il a fallu. Non. Ouais. C'est lié à Saint-Brieuc, mais alors, faut vraiment bien connaître Saint-Brieuc. Donc, partez pas là-dessus. Il y a un fromage, Saint-Brieuc? Non. Alors, non, c'est pas par rapport au fromage. Il y a un vin, Saint-Brieuc? Pas un vin. Non, pas du tout. Il y a des lampadaires, non. Peut-être le musée du lampadaire. Non, pas le musée du lampadaire, mais t'es presque plus proche que ce que disait Anis. Est-ce que c'est un rapport avec notre ami? Non, c'est pas alimentaire, c'est ça que je voulais dire. Notre amie la productrice Vanessa Saint-Brieuc ou... Oh oui. Oh, ça me régale. Alors non, ça n'a rien à voir. Très private, mais... Très private. Ah non, elle est déjà venue dans le podcast. Vous aviez qu'à écouter tous les épisodes pour avoir la ref. productrices, entre autres, des frères Pétou. Des frères Pétou qui sont allés sur YouTube. Voilà. Voilà. Non, à Saint-Brieuc, un musée particulier. Alors, je vais vous donner un petit indice. À Saint-Brieuc. Mmh. C'est lié à. Un rappeur. Saint-Brieuc. Pas ouf. C'est Damien Rieux qui fait du rap. Il s'appelle Saint-Brieuc, malheureusement. Oh, très bonne vidéo que j'ai vue récemment. Le piège, ouais. Le prank. Pour raconter ça aux gens, c'était très drôle. C'est un mec qui a pris enfin. En fait, le truc, c'est que Damien Rieux et tous les gens d'extrême droite de Twitter, c'est-à-dire 50% des utilisateurs. Non, en gros, il y a une sorte de limite de challenge où c'est genre. Non, mais je crois que ça c'est a un trend, nom. Quoi. Ouais. Non, mais pour de vrai. Et en gros, c'est de prendre des alors, prétendument des musulmans qui prient dans l'espace public. Sachant que souvent les images sont débunkées et c'est pas du tout des musulmans ou etc. Et du coup Damien Rieux, donc c'est un peu le chef de file de ce mouvement là et donc tous les jours il poste des photos de musulmans ou en tout cas de gens agenouillés dans l'espace public, et il a posté une photo d'un gars dans le palais de justice, je crois. Et sauf qu'en fait le gars c'est pas du tout un musulman, avait en fait, déjà fait la vidéo avant, il avait fait, ouais, voilà, en sachant qu'il allait l'autre poster le truc, voilà. Et il l'a piégé, ouais. En fait tu vois la suite, et en fait il se relève et il dit bah en fait je suis breton, je suis catholique, et voilà, et tu te fous de gueule et tout ça. Vidéo assez agréable à regarder, sachant que j'ai, parce qu'on m'a dit ouais ce gars il est quand même chelou et tout, et du coup j'ai googlé, et en fait le mec il a été je crois qu'il a été en prison parce que il s'est fait passer pour le neveu de Brigitte Macron, voilà. Et enfin il y a un truc chelou en fait, c'est le spécialiste de ça, quoi. Ouais, mais là apparemment bon, il a quand même c'est Greg Guillotin, on peut en fait depuis le début. Peut-être qu'il adore juste faire ça, quoi, juste il adore les prendre en fait. Non non, moi j'ai rien contre Damien Rieux, j'aime juste pranker les gens, voilà. J'aime bien la déconne. Non, alors c'est lié à Alfred Jarry, le célèbre poète qui est originaire de Saint-Brieuc. Qui est atypique, on peut le dire. Il est atypique. Jarry est atypique. Alors tu rigoles, mais au début il n'y avait pas écrit Alfred Jarry. Et je croyais que c'était lié à Jarry. Et je me disais, mais quel est le rapport avec Jarry? Le musée Alfred Jarry. Alors c'est pas le musée, sinon ce serait un très bon indice que je t'aurais donné. Mais non, c'est pas le musée Alfred Jarry. Alors est-ce que c'est genre le musée d'une figure de style? Non. Genre le musée de la litote. Ouais, non, mais c'est de l'acrostiche ou genre. Le musée de la litote qui est un album d'Alain Bachung. Le musée du stylo plume. Non, mais tu t'approches. On est sur un petit objet qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien. C'est un peu de la vie. Oh, pardon, excusez-moi, le pour les adorateurs. Stylo plume. Non, c'est pas le musée de la cartouche. Alfred Jarry, il était de Saint-Brieuc. Oui. Et donc, c'est un objet qui a rien à voir avec la poésie. Non, j'imagine. Non, non. C'est juste qu'il aimait bien ça. Il avait demandé comme dernière volonté d'avoir ça avec lui. Et du coup, ils ont dit, oh, bon, on va faire un musée de ça. Un voilà. Petit porte-clés. Un petit... Non, un truc, mais un truc de cette taille-là à peu près. Une pièce, non, je sais pas. Non, un indice, tu nous en as parlé avant l'enregistrement de l'émission. Ah, donc les gens pourront pas lister. Les gens pourront pas lister, mais c'est un petit objet que tu as, peut-être autour de toi. Musée du verre. Ah, du cure-dent. Le musée du cure-dent. Ah, oh, génial. Tout simplement. Wow. On va arrêter l'émission, je vais y aller. Incroyable. Le musée du cure-dent. Je peux leur filer mon distributeur de cure-dent. Parce qu'il faut dire aussi, oui, pourquoi je dis ça, parce qu'Adrien a un distributeur de cure-dent à l'image d'un oiseau. Oui, bah il faut. C'est... Ah, les gens peuvent se l'imaginer. Tu pourras le mettre en story. Oh, Adrien, le mettra sur Insta. Magnifique, putain, voilà, très bien. Sublime. Et il faut savoir que vraiment, en fait, j'ai vu un reel sur Insta de ce truc. J'ai fait putain. Mais j'utilise pas de cure-dent, mais vraiment, juste l'objet, j'ai fait bah il m'en faut un. Donc je l'ai acheté. Et j'utilise quand même de temps en temps. Des fois, j'ai un truc, je fais allez. Mais j'amortis mon... À 95%, c'est pour dire aux gens, excusez-moi, vous voulez un cure-dent? Et ouais. Ah bah j'ai adoré. N'empêche, Aurélien, il a pris un cure-dent, il a l'air bien content. Il a kiffé. Il est là. Sur son lit de mort, Alfred Jarry, le célèbre poète originaire de Saint-Brieuc, avait demandé comme d'involonté d'avoir un cure-dent. Le théâtre d'échappée de Laval, ville natale de Jarry, a monté ce musée en hommage, présentant. Attends, à chaque fois que tu dis Jarry, je. Non, non, bien sûr, c'est le qui est le plus atypique. Est-ce qu'il l'avait dans la bouche? Ben, je me suis posé la question. Genre, ça lui donne un petit style, ouais, c'est ça. À l'église avec un cure-dent. Et un gun. Un revolver. Et du pento. Vous êtes sûr qu'il est mort, là? Ils ont monté ce musée en hommage, présentant 80 cure-dents artistiques. Wow. Et un atelier de fabrication et de réparation de cure-dents. Ça, j'adore, hein, réparation de cure-dents. Je trouve ça bien, 80 cure-dents artistiques. Faut vraiment y aller pour trouver des variations artistiques de. Bah là, voilà, j'ai gravé un peu comme ça. Voilà, j'ai plus rien d'autre mais à faire. C'est pour ça que j'ai un peu envie de voir, parce que au bout de 20 cure-dents artistiques, qu'est-ce que tu fais des 60? Je pense que c'est très décevant quand même. Au bout de 2, je crois. Ça ouais. À un moment, c'est des branches. Quoi. Non, mais peut-être c'est pas le cure-dent quartique, peut-être que c'est peut-être genre des tableaux faits avec des cure-dents, j'en sais rien. Ouais, tu non, vois. Bon, bah, du coup, non. Je sais pas. Raphaël en cure-dent, tout ça. Exactement. Non, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est du 14 janvier jusqu'au 20 février 2023. Si vous ah, mais go, c'est go. Un musée ah, temporaire. Oui, oui, oui, c'est temporaire. Quand même, bah, c'est temporaire. Un peu du jote quand même. Avant de continuer les news du Floodcast, ça n'a pas le moindre rapport à ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un veut un cure-dent ou pas? Parce que. Ouais, avec plaisir. Non, j'aimerais redire ta dernière vidéo à Nice où des darons de rappeurs réagissent à ce que font leurs fils. C'est une vidéo qui marche vachement bien, c'est une vidéo qui est super. Comment t'as eu cette idée? Comment ça t'est venu? Il adore les darons. C'est ça? Non, mais oui, déjà, c'est un sujet que j'avais déjà un peu traité, la place des mamans dans le rap, etc. Et après, si je suis complètement honnête, je matais la vidéo de McFly et Carlito et les nonnes, là, et les bonnes sœurs. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un truc où on donne la parole à des gens comme ça. Et on leur montre des vidéos. Donc c'est un plagiat à 100%. Et t'as fait un parce que c'est le même concept. T'as fait un casting, comment t'as fait pour les trouver? Ouais, j'ai fait une annonce sur mes réseaux. Alors c'est marrant parce que le casting est fou. Enfin, si vous voyez la vidéo, vous verrez. Genre les trois sont très différentes. Et puis c'est des super personnages. Ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment des trucs à dire. C'était trop intéressant. Mais en vrai, des demandes, j'en ai pas eu tant que ça. Quoi. Je pense j'en ai eu 9 ou 10. Quoi. Ouais. Donc j'ai eu de la chance que sur ces 9 ou 10... il y a trois mamans atypiques comme ça. Mais ouais, j'ai fait une petite annonce sur mes réseaux sociaux. Et en vrai, il y avait aussi le côté... Bon, je ne savais pas que ça allait marcher autant. Mais je me creusais la tête sur, comme d'hab, comment essayer de faire découvrir des jeunes artistes. Ouais. Et du coup, c'était aussi ça ma première réflexion. C'est que je me disais, bon, les gens, je pense qu'ils en auront marre si je fais rapper les gens. Ouais. Bon, là, je dis ça, je sais que je vais recevoir plein de DM. Là. Si, reviens, viens à Reims. S'il te plaît, ouais, c'est ça. Non, mais je trouve qu'en vrai, le format, il est... un peu devenu un peu lambda avec la proposition qu'il y a sur YouTube. Donc je voulais un peu me challenger et me dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut rajouter un peu de fond, etc. et tout, comment on peut mettre en avant des artistes et en même temps découvrir entendre des gens parler. C'est et touchant que... et drôle, ça ouais, convient bien cas, voilà. Ce mélange là aussi. C'était un et peu ils le ont pari. Plus de 10K en plus, donc ça te permettait tu pouvais pas les avoir dans ton émission. Bah oui, voilà, donc autant chiant, les mettre quoi. Là ouais, non, je crois sûr. Qu'ils les trois ils ont moins de 10K en plus. Ah ouais, ouais. Ah, et tu les as pas trouvés via ton émission, ça avait rien à voir. Mais tous ceux qui viennent dans ton émission n'ont pas de daron, je crois, c'est ça la... c'est le critère. Ça réduit beaucoup, ça réduit énormément. Non, mais après pour la petite anecdote, il y en a un qui était passé justement dans les Français savent-ils rapper. OK. Qui était passé à Lyon et en plus c'était quelqu'un que les gens avaient adoré dans les commentaires, les gens ils l'avaient kiffé. Donc voilà, il y avait un peu j'ai recyclé un ancien rappeur. Après les deux autres, je les ai trouvés comme casting. Ça en faisant une annonce, mais c'est marrant, pendant les fêtes, il y avait eu ta vidéo et il y a eu la vidéo de Masqué sur les darons et le rap. Quoi. Il y a un vrai. Même le sketch que tu avais fait avec John Rashid. Masqué, finissait avec les darons. Tu l'expliques comment, toi, ce rapport? Bah, je pense que c'est. Enfin, comme je dis dans la vidéo, ça a une place importante de fou, mais on s'en rend pas compte, quoi. Ouais. Genre, même le fait d'insulter des mères tout le temps. En fait, dans tous les sons de rap, il y a la mention de la mère. Ouais. Ou même des fois dans l'autre sens. C'est genre, moi j'ai confiance en personne sauf ma mère. Tu vois ouais, c'est un truc qui revient un son sur trois, tu vois. Bah, les gens ont peur de se faire engueuler, quoi, par leur daronne. J'ai confiance en personne. Donc, je me disais, c'est marrant, on en parle tout le temps et on leur donne pas la parole. Donc, pour moi, ça me paraissait évident. J'ai grandi en voyant toujours ça et je me suis dit. Et t'as une théorie de pourquoi? Ou, c'est un truc que tu te l'expliques un peu ou... Bah, j'ai pas envie de faire une fausse théorie parce que dans la vidéo, j'ai fait une théorie justement que j'ai coupée. Ah oui, d'accord. Bah. Alors laisse tomber. Qui n'était pas laisse ouf. Tomber, en tomber. Fait, en la revoyant, je me suis dit non, c'était pas bon. Mais en gros, j'avais dit un peu, j'avais esquissé ça, que j'ai l'impression que vu que beaucoup de rappeurs sont d'origine africaine, que nous, dans la culture africaine, les parents prennent de la place, etc. Ouais. Les grands-parents prennent de la place. Mais après, je me disais, mais en même temps, pas chez les Occidentaux aussi. Donc, j'ai l'impression que j'ai une piste. Mais je vais y réfléchir, j'écris ma petite thèse. Pour la deuxième vidéo, pour la deuxième vidéo. Je reviendrai pour le tome 2. Mais ouais, en tout cas, ce qui est marrant, c'est juste déjà le côté genre, on en parle tout le temps, mais c'est vrai qu'on l'a banalisé. Et c'était trop bien d'entendre un peu leur son de cloche. Mais si vous l'avez pas maté, n'hésitez pas, c'est sur ta chaîne YouTube. Bon, t'as reparlé avec elle un peu, les darons, depuis la sortie de la vidéo? Bah, déjà, moi, il y en a une avec qui je m'entends trop bien. C'est ta vraie daronne. Non, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça dans les commentaires. C'est que je m'entends tellement bien avec elle. En fait, c'est quelqu'un qui était dans mes abonnés. Elle me suivait. Ah, c'est drôle. Donc, c'est ça qui est fou. C'est même... enfin, et elle connaît mes vidéos. Et en fait, quand j'ai regardé notre historique de conversation, elle répondait à toutes mes stories. Enfin, à beaucoup de stories. Mais... ah, bah, c'est comme moi avec la mère de. Ce que j'allais dire, c'est comme ma mère. J'allais dire, c'est comme ma mère, mais avec Adrien. Mais du coup, en fait, je dis ça, mais c'était des stories souvent où je disais est-ce que le rap, c'est mieux? Enfin, des débats. Ah, elle avait déjà un avis sur plein de trucs et tout, tu vois. Donc, elle me parle souvent. Quoi. À chaque fois, elle m'envoie des messages. Même elle revient, elle disait t'as vu ce qu'il y a eu tel commentaire et tout. D'ailleurs, ça c'est chaud parce que comme c'est les mamans de gens, faut que je modère un peu les commentaires. Ah oui. Il y a une des mamans qui plaît bien aux gens. Donc les gens disaient, elle est pas mal, elle. Calme-toi. Donc, à la limite, ça va, mais des fois, il y a des trucs un peu plus qu'elle est pas mal. Et j'avoue, ça, je les ai. J'essaie de modérer un peu, quoi. Dès que tu invites des femmes dans tes vidéos. Oui, voilà. Moi, je modère beaucoup plus. Je surveille beaucoup plus. Non, mais c'est. Mais avec des mamans, c'est horrible, quoi. Toi, t'es là, t'es tranquille, tu lis les commentaires et il y a un mec qui dit, ta mère, elle est quand même bien fraîche. Tu te dis, c'est chiant, quoi. On n'était pas vieux pour ça. Mais moi, j'adore ces vidéos-là. Je trouve que c'est souvent les meilleures vidéos qui mettent en avant des gens un peu plus, en tout cas moins sur le devant de la scène. Ouais, là récemment, par exemple, McFly et Carlito t'en parlais. J'ai adoré leur vidéo de la track. En fait, ce qui est génial, c'est qu'ils mettent en avant en fait les gens qui les cherchent. Et en fait, c'est limite génial, les meilleurs moments. C'est les gars et les meufs qui les cherchent. Et en plus, le montage est vraiment bien. Je sais pas qui a monté leur vidéo, mais le montage est vraiment super. C'était Marocco. Ah pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'adore. Je sais pas si c'est une tendance qui va se continuer, mais j'aime beaucoup les gens qui utilisent. Toi, t'as toujours fait ça d'ailleurs, Anis, mais qui utilisent leur visibilité et d'un coup, tu vois d'autres gens. Enfin, tu vois, dans la vidéo de Mafia Carito, il y a des gens qui ont des timings comiques géniaux. T'es un peu dans leur vie 10 secondes. Enfin, ça m'a beaucoup plu cette vidéo. Non, mais j'ai c'est trop bien. Et en plus, tu te dis, c'est fou qu'on le voit pas plus à une époque comme la nôtre où tout le monde a de quoi se filmer en fait. Et tu te dis pourquoi il n'y a pas plus de concepts où les gens disent bon, parce que c'est un travail de ouf, j'imagine. Ça coûte hyper cher. Quoi. Voilà, mais même des. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien cette vidéo. Quoi. Moi, j'ai pas pu aller au bout parce qu'ils utilisent le générique et les jingles de Il fait tout noir. Oui, c'est vrai. une fois, j'ai c'est marrant. Cette fois, je fais vas-y, c'est bon. je la regarderai plus tard. Quand j'ai entendu le premier rein. J'ai fait, oh le bâtard, mais tu sais que je l'avais entendu dans une autre vidéo déjà. Bah, ouais, mais c'était le bac il y a longtemps, tu vois, c'était différent, elle était pas 25 000 fois. Le bac. Leur vidéo du bac. Récemment, je l'ai entendu. Aurélien a noté toutes les vidéos qui utilisent cette chanson. C'est un jingle aussi à l'époque, mais c'était moins. D'ailleurs, tu veux... Moi, les gens, des fois, ils me disent, bah t'as vu et tout, machin. Moi, bon, en soi. Mais ils me disaient, ils pourraient être respectés. Je dis, mais c'est pas ça, ils savent pas, c'est tout. C'est pas eux, faut préciser, parce que c'est pas eux qui décident. Bien sûr, c'est les monteurs, les machins, bien sûr. Surtout que ça, c'est Audio Network ou pas? Ouais. Parce que moi, j'ai remarqué avec un truc sur Audio Network, Brothers. Ils utilisent beaucoup Audio Network. Donc des fois, début de vidéo Brothers, je reconnais des trucs de sketch Golden et tout, ça me sort. Mais quelqu'un qui m'avait. Ah non, moi c'était un documentaire animalier. En tout cas, dans ces vidéos, il fait pas tout noir. En tout cas, Brothers, ils sont à fond. Audio Network, c'est une base de données de plein de musique. Il y a deux, trois trucs comme ça, mais du coup, quand des youtubeurs utilisent, on retrouve souvent les mêmes trucs. Et il est possible qu'encore aujourd'hui, récemment, je pique des chansons avec le compte de Golden Moustache. Mais voilà! Non, mais pas du tout. Voilà, mais faut. Voilà, je dis ça comme ça. Je regardais un documentaire animalier et à un moment il y a une musique et je fais. Putain! Non, c'était une musique de Phantom Force quoi. Ah merde! Ah ouais! Et je fais putain! La vache! Et il faut savoir que Clément Marouzet qui a monté Phantom Force, lui c'est. Je pense qu'il connaît le site de Network par cœur. C'est lui qui a monté les premiers Il fait tout noir. Voilà. C'est lui qui a mis ça et tout. Mais lui, tu lui montres un truc, tu fais ah putain, attends, ça. Tu lui montres un sketch, tu fais ah putain, ça c'est la musique dans tel sketch de Bagel, machin, et tu connais tout par cœur. Moi, j'ai monté un sketch d'Ivic avec lui et je dis ouais, il faudrait une chanson. Il va sortir bientôt, non? Bien sûr, je pense qu'il va très bientôt sortir. Et en gros, je dis ah, faudrait un truc comme ça, il fait oui. Bon, il faut prendre River on the Phoenix. Pardon. Et bah oui, il avait le titre de la chanson d'Audio Network. Par contre, Alain Souchon, il sait pas qui c'est. Quoi. Non, aucune idée. Non, il que Alain du Network. Quoi? T'écoutes quoi comme style de musique? Audio Network. Là, j'écoute Tense Music Suspense. Point MP3. No drums. Les requests bizarres au DJ. Tu peux mettre Hypnotize Tense Music? Les gens vont kiffer, tu vas voir. Si, savez-vous qui est Simon Manoury, il est un peu dans l'actualité. Savez-vous qui est Simon Manoury? Mais c'est pas le. Non, attends, je dis de la merde. C'est pas l'arnaqueur de Tinder? Pas du tout. Simon Manoury Nataf? Non, pas Manoury Nataf. On dirait un jury de Nouvelle Star, genre. Ouais, mais alors c'est pas ça, puisqu'il est décédé il y a des dizaines et des dizaines d'années, puisqu'il est. Ah putain, je crois que je sais. Attends. Il est né au 18e siècle. Donc je peux pas. 19e siècle, pardon. Donc voilà, je peux. Il est très décédé. Mais d'une certaine manière, il est dans l'actu. Ouais, il a un nom très 97. Ouais. Mais pourtant... attends, il est français? Ouais. Ok. Il est français. Simon Manoury. Alors, quand je dis qu'il est dans l'actualité, c'est une actualité un peu globale. C'est pas une actualité très précise, tu vois, qui n'est pas liée à. Faut pas avoir ouvert les journaux pour connaître cette actualité. C'est un truc qui arrive assez souvent dans l'air du temps. C'est l'inventeur au mois de la fenêtre. C'est un personnage historique, quoi. C'est l'inventeur de quelque chose. Ouais. L'inventeur du mois de janvier. Pas du mois de janvier. Bah, ça serait plus vieux, je crois. Thermidor. Mais alors, juste, pardon, mais je fais une parenthèse. Ça m'a. tué que j'ai vu ça passer sur Insta. Mais alors, je sais plus quel roi qui a décidé que l'année commençait le 1er janvier. Ah, mais c'est un roi qui a décidé ça ? Ouais, il y a des siècles, tu vois. Mmh. Et c'est fou drôle. De se dire... d'avoir Balthazar, ce pouvoir-là, hein. De se dire, ouais. Bah, l'année c'est maintenant, ça commence maintenant l'année, tu vois, bah, d'avoir pareil, ce genre de pouvoir, c'est fou quoi. J'étais fou. Pareil, j'ai eu des fêtes de Noël à mater des documentaires, et je savais pas que les révolutionnaires avaient changé les noms des villes à une époque, et en gros toutes les villes avaient un autre bah, nom. Bah ça c'est les woke hein. C'est... ils ont oublié de changer la ville de Rouen pareil. Par contre. Non mais ils enlevaient tous les rapports, ils avaient enlevé tous les rapports au catholicisme, au roi, au machin. Par exemple le Mont Saint-Michel s'appelait le Mont Michel. Bah super nom pour le Mont Saint-Michel. Mont Michel. Ils avaient juste enlevé ça. C'est pour les gâteaux du coup c'était galère quoi. C'était très relou. Et la ville de Marseille, je vais pas vous dire de conneries, mais ça s'appelait genre ville sans titre limite. Ah ouais. Genre elle avait vraiment un truc genre attends, Marseille town, non provisoire. Ouais. Attends, si je mets Sunny Marseille révolu no à côté de la mer. Ouais non mais c'est ça, je retrouverai le nom de la ville mais c'est s'appelait bébé je crois. Non mais ouais. C'était vraiment un truc genre pas la capitale ça s'appelait je crois. Ils vont pas kiffer ça. Hein. Non non mais en gros je retrouverai le nom. Qui est donc Simon Manon? L'inventeur de la galette des rois. Allez, non c'est bon, mais non. L'inventeur de la fève. Alors, de la galette des rois. L'inventeur de l'assiette sur laquelle on met la galette des rois. C'est pas artistique. C'est pas artistique. Non. Il a dit dans l'actu globale, pas forcément. Bah c'est l'actu globale. Ça s'appelait ville sans nom, pardon. Les troupes s'emparent de la ville le 25 août 1793 et s'installent un tribunal révolutionnaire en guise de punition pour son insurrection. Marseille sera brièvement rebaptisée la ville sans nom. Et tu vois ça? C'est fou parce que tu vois que les gens qui ont des idées révolutionnaires, ils ont le même problème maintenant qu'à l'époque, tu vois. C'est comme les gens qui disent ouais, on va changer, on va plus utiliser ce mot-là, on va utiliser tel autre mot à la place, mais trouver des bons mots, quoi. Parce que sinon, on va pas les utiliser, ouais. Quoi. Souvent, ouais. Ouais, cette insulte, elle est offensante, on va utiliser une autre insulte, et c'est genre un sacré loulou. Tu fais, mais non, on va pas dire ça, en fait. Trouver une bonne insulte bien trouver efficace. Un truc qui sonne bien, ouais. Et là, à l'époque, ville sans nom, bah non, les gars, c'est ridicule, faites un effort, en fait. Et Yel aussi, c'est compliqué pour la chanteuse. Parce qu'elle dit, ouais. Bah, les frères, moi je gueule sur le générique de Il fait tout noir, je peux vous dire que elle, c'est son nom, quoi. Et en plus, ça, genre, c'est à cause des garçons. Enfin, c'est super compliqué de s'y retrouver. Enfin, c'est vraiment le bordel, quoi. Attends, mais c'est lié au mois de janvier parce que je partais sur la galette pour ça. Alors, j'ai mal compris. Non, non, c'est lié d'une certaine manière au mois de janvier. Alors pas précisément au mois de janvier, mais sur quelque chose qui se passe en janvier. Donc quand tu dis la galette des rois, je comprends ta réflexion. C'est le gars qui a inventé Jésus. Non. Il a inventé le compte à rebours du Nouvel An. Non. Il a inventé le 16 janvier. Il a inventé les 120 secondes de bonheur à la fin de l'émission d'Arthur. Vous savez ce truc ou pas? Non. Arthur avait une émission qui s'appelait 120 minutes de bonheur et c'est terminé par 120 secondes de bonheur et c'était vraiment un décompte de 2 minutes. Arthur non. Fils Lébran pendant. Ah, bah t'es pas si loin. C'était bon, ouais. C'était juste une meuf qui des avait deux, qui avait deux, comment on appelle ça? Des froufous là. Ouais, des pompons. Et qui tournent, des pompons qui tournent pendant 2 minutes non-stop. Et c'est fou quoi, quand t'es enfant, tu te dis. Qu'est-ce qui se passe? Tu, ouais, vois, tu te dis surtout j'ai la Gaule. Ouais, avec ton terrain. Père, avec ton père à côté, ouais, je pense. De ouf. Non, non. Tu contrôles. J'ai jamais bandé devant mon père. Alors ça, je peux vous le dire. Tu courais dans la cabane. Mais même pas en voiture, même pas en voiture. Oh bah avec non, les si. Vibrations et tout, dans le bus. Bandé, énormément bandé dans le bus. Mais derrière mon père, par contre. Alors là, j'ai. Alors là, je peux vous dire. Ça, c'est mon livre qui va avoir un prix cette année. La derrière mon père. Vidéo, c'est plus. Ça va être chelou. Putain, un truc qui se passe en janvier. Mais ça se passe pas que en janvier. Je suis monté un peu dans les aigus. En hiver? Non, pas, non, non, c'est pas lié à la saison. C'est pas lié à la saison. Attends, il a inventé les mois. Il a non, les pas noms les mois. Mois. Non, non, non, non. Ah, je vais devoir vous le dire. Non, non, mais, c'est alors, interdit. Sûrement pas. Ah, bah, écoutez. Non, tu dis que c'est un truc qui se passe plusieurs fois dans l'année. Ouais. Donc, et c'est. Ça se passe là en ce moment, par exemple. Il n'y a pas un changement de saison? Ah bah non. C'est en cours là en ce moment, à l'heure où on parle. Ah, les... non. Il a inventé la pluie? Non. Quel bâtard. Ça se passe en ce moment. Il a inventé être mal assis. Non, ça se passe en ce moment. Là, là vous pouvez vous balader dans Paris, mais dans n'importe quelle ville d'ailleurs, vous verrez son invention. Les sapins de Noël jetés sur le trottoir. Non. Il a inventé ça. Les gars, pourquoi on le laisse chez nous jusqu'en mars, avril, mai? Venez, on le jette. Des guirlandes lumineuses. Non, non, non, non, non, non. Oh bon, dans ton nom, il y avait vraiment on est un loin. Truc du genre, mais ah, pas on est loin. Du tout. On est loin. On non, est non, loin. Mais attends, on va écrémer. On va, ok. Est-ce que c'est un truc physique? Non. Ah donc on peut pas vraiment le voir. Le stream, on peut voir les effets. Il a inventé le stream. Tu peux voir les effets. Ouais, on peut voir les effets de ce truc. Ouais, okay. Il a pas inventé le stream au 19e siècle. Ok, on peut voir les effets de ce truc-là. Est-ce que c'est une coutume? C'est pas une coutume. C'est une pratique? Ouais. Ok. Le régime après les fêtes? Non, pas le régime après. Vous y avez tous bénéficié, je pense, dans votre vie. Vous en avez tous profité à un moment. Le RSA. Les allocations. Non, non, mais on est sur un truc qui permet de. La CAF. C'est lié à l'argent en tout cas. Ah. La mendicité. La tirelire. Non, non. C'est lié à l'argent. Ouais. D'une certaine manière. Le PEL. Non. Les étrennes. Non, non, bah non, c'est que. Oui, non, et non, et non. On voit les effets de ce truc. Ah, vous avez même il pas inventé la réponse. Ah, les soldes. Les... Très bon. Oh, oui, oh, j'allais dire, vous avez même pas 10% de la réponse. Ouais, ça... Eh bah, tu sais quoi, va te faire foutre. Non, mais par rapport au solde. Par rapport au solde. Ah, joli. Mais oui, c'était pas gratos. C'est pour Adrien. Ça. À la tête de son établissement, Simon Manori donne un nouveau visage au monde de la vente. On lui doit ainsi, entre autres, alors il a pas inventé que les soldes, il a inventé la libre circulation dans les rayons. C'est-à-dire qu'avant, les gens venaient demander. Lui, il dit bah non, on va tout mettre dans des rayons et les gens vont se balader, tu vois. Il a constaté aussi des vols, je pense, comme le McDo. Il a inventé les étiquettes les avec, gens partent avec les. Il a inventé les étiquettes avec les prix affichés. Et il a même inventé la vente par correspondance. Mais attends, il a inventé le magasin ouais, en fait. Ouais, c'est vraiment avant bon, les magasins, c'était vraiment de la merde quoi. Tu rentrais, il y avait un comptoir, il y avait pas d'étiquette, il y avait pas de prix. Tu veux quoi ouais, mollo, mollo. C'est quoi il le prix la c'est 1000 euros la baguette. Bah, d'où il fait 1000 euros. Est-ce que je pourrais pas marqué quelque part. Non. Est-ce que je pourrais acheter. Non. Non. Il faut revenir que le vendredi. Ah, c'est compliqué quand même. Et tu disais, je voudrais une paire de chaussures bleues. Il disait, ah, elles sont où elles sont là, elles sont là, elles sont là. Mais je peux pas y aller, j'ai pas le droit d'aller la prendre. On n'a pas encore inventé le livre. Service. Manori propose de liquider les stocks d'invendus de la saison précédente à bas prix pour faire place aux nouveautés. Jean-Pierre. Bien sûr, Jean-Pierre bas prix. Le déstockage n'est pas encore une opération véritablement saisonnière planifiée. Cette idée, c'est Jules Jalouzo qui l'a eu. Fondateur en 1925. Mais c'est une insulte de Affida Turner, Jalouzo. Jalouzo. Mais elle dit tout le temps Jalouza. Ah putain, je connais pas assez bien l'œuvre d'Affida Turner. Et je sais que la personne qui tient le compte Don't Mess with Affida écoute le Floodcast. Donc, petite dédicace. Putain, j'ai vu qu'il y avait un TikTok horrible avec Affida Turner là récemment. Où elle chante Étienne. Non, où elle se vénère contre un gars. Non, t'as pas eu ce non, bad non. Buzz. Ah, en anglais, non. Ouais, ouais. Elle est aux States. Et genre, elle double un gars. Et genre il y a une embrouille de ouf, je le raconterai mal, faudrait regarder sur TikTok, ouais. Mais en gros elle a été atroce avec des gens. Ah ouais. Et elle est filmée sauf que les gens ils savent ouais, pas ouais. qui c'est. Ça fait un et le buzz, truc a fait ouais. cartonner parce qu'à la base juste ils filment une cliente relou. Ouais, ouais. Et après ils font oh, putain on a fait des recherches parce qu'elle dit vous savez pas qui je suis Affida Turner et tout. Et après ils font oh apparemment c'est la femme de Coolio. Qu'est-ce qui se passe. Bon bref, vous regarderez mais elle était très énervée. Bon bref, et c'est Jules Jalouzo, lui c'est fondateur en 1885 des grands magasins du printemps. Pardon. Qui dit on va mettre ça chaque année à une période. T'as encore Jalouzo dans Marc Jalouzo. D'ailleurs, que marre. En assurant de mettre en vente les étoffes fatiguées ou défraîchies de la saison précédente, ça sert également à mettre en avant les nouveautés. En fait, c'est malin. En fait, tu vas ah non, pour acheter tes soldes. Il était bon ce gars. Putain, il se dit, mais en fait, les gens ils vont venir pour les soldes, sauf qu'en fait, il y a toutes mes nouveautés qui sont là et ça, c'est pas soldé. Ouais, j'avoue, j'ai été au solde hier, je suis ressorti en mode y a rien de. Tout est des nouveaux trucs. T'as c'est mon coup que... de gueule. Ouais. Et l'autre coup de gueule, est-ce qu'il a aussi inventé le fait de monter les prix juste avant les soldes? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a inventé les soldes mytho où il pète un faux prix Je connais pas. Ça bah, tu sais, où tu dis. Moi, je sais que j'ai acheté une table d'appoint là, qui va arriver lundi. Et vraiment, tu vas sur le site 365 jours par an, il y a marqué elle est à moins 30%. Le prix, normalement, c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est le prix tout le temps, en fait. Et c'est des soldes mytho, en fait, quoi. Pour te... Moi, j'ai du coup, toujours... j'ai acheté. Ça a marché. Moi, j'ai toujours eu ça avec le prix vert de la Fnac. Le prix vert de la Fnac, c'est le prix normal, en fait. Vraiment, t'es... je sais pas pourquoi ils le mettent c'est vert. Aussi. Bah, c'est... Oui, c'est vrai. Passé un certain temps, c'est prix méga cher, quoi. Oui, c'est mais ça. Mais t'as envie de dire, oui, vous mettez plutôt prix normal et c'est prix ça. Craqué. Ouais, c'est ça, parce que non, c'est pas le prix normal. Hein. Si tu regardes derrière, il y a l'autre prix. Ouais, oui, c'est mytho. Il est hardcore, ce oui, prix. C'est Mallory qui a inventé ça. C'est ça, parce que le prix vert de la Fnac, en fait, si, c'est le prix normal dans les autres magasins. C'est ça que je veux oui, dire. Oui, oui, voilà. Ils disent genre, c'est 19 euros prix vert de la Fnac, mais en fait, c'est 19 euros sur Amazon, sur tous les trucs. Et on en pense quoi des sites où il y a écrit dépêchez-vous, il reste plus que une place. Ah, oh, ça m'énerve. Alors que trop pas. Bah, bien sûr. Moi, je sais, trop pas. Putain, mais t'es un débunker, toi. Ouais, je sais. Les offres flash aussi. Genre, vous avez pu. Dans une heure, c'est fini ce prix. Tu reviens le lendemain, c'est le compte à rebours, il est encore reparti. Ça se fait pas, moi, je trouve. Voilà, je suis pas, pas cool, bien. Manori. C'est un peu, voilà. Ouais. C'est un peu lui, le père de tout ça. Mais cela dit. Mais qu'on ça puisse... partait d'une bonne intention. Ouais, parce que qu'on puisse aller dans un magasin sans avoir à parler à un vendeur, c'est grâce à lui. Et du coup, merci. Merci, mec. Parce que du coup, tu. Enfin, des fois. T'as peut-être pas... Ils ont peut-être pas ce que tu voulais acheter et du coup ça t'évite d'avoir une conversation horrible genre non bah je vais rien acheter du coup au revoir. Alors pourquoi vous êtes rentré? Bah je savais non, bah, pas je sais ce que pas. Vous aviez pas, vous voulez pas ça être... plutôt. Non bah allez c'est bon. Ah là c'est terrible, moi je fais semblant même des fois. Tu sais il y a ce truc où tu rentres dans un magasin et tu fais et non, rien ne me plaît, mais tu fais semblant de te balader ce qu'on pour pas faire le rentrer et faire. Ouais, je l'ai fait hier. C'est une anecdote des soldes, c'est une vraie anecdote. Ouais. T'as fait semblant de chercher des trucs du coup. Ouais, un peu quoi. Enfin, tu te fais, tu dis, il y a rien, mais bon. Et tu pars en mode. Mais allez, vous savez que bisous. Ça, chez les riches, c'est très normal en fait. Ça, c'est nous, on croit que ouais, les riches, ils vont à Louis Vuitton. T'as cru qu'on était pas riches, Alice ? Non, mais genre, moi, j'ai travaillé à The Couples pendant un petit moment. Okay. Et du coup, ils font ça, y a pas de problème, quoi. Ils rentrent, ils sont détentes, ils parlent avec toi, ils se barrent. Quoi. Ah ouais, la plupart des gens, ils achetaient quasiment rien, tu vois. Par contre, quand ils achètent, ils achètent. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils se permettent aussi. Ouais, la dernière fois, je t'ai claqué 6 briques. Donc t'es gentil. Mais du coup, en fait, les vendeurs, ils ont l'habitude. Ouais. Nous, on rentre, on se dit, c'est trop bizarre. Ils sortent, ils se disent pas, le bâtard, ils se disent juste, oh, il est riche. Aux États-Unis, ça m'avait choqué. Aux États-Unis, quand au début, je vais dans des magasins où j'achète des trucs. Et je fais, putain, mais ils sont adorables, les vendeurs. Enfin, les States, c'est des ouf, quoi. Et à un moment, je vais dans une boutique, il y a un qui me plaît, je fais. Tu sais, donc du coup, je suis à l'américaine, je fais, thank you very much, bye. Pas un au revoir. En fait, si t'achètes pas, ils sont en mode, genre, bah non, rien, mon pote, bah chier. T'as un goodbye non plus, rien. Rien. Au revoir, c'est normal. Non, j'ai rien. Pas. Okay. Oui, parce qu'ils parlent pas la langue, ouais, c'est... Ouais, c'est logique. Il y en a un qui a dit goodbye, my lover, mais c'était. Mais alors, si je peux vous donner justement l'inverse d'un conseil, n'allez pas dans la boutique de James Blunt. Il y a rien à acheter. C'est nul à chier. Moi, j'ai un dernier truc. C'est beau, donc ça. Quand je sors d'une boutique sans rien avoir acheté et que c'est genre la Fnac et que je suis venu voir, tu sais, genre un caméscope, j'ai pas sorti les exemples les plus. J'en ai acheté un cette année, mais personne ne fait ça. Mais bref, si tu sors après, ça fait genre j'ai fait des repérages pour acheter en ligne. Et ça me gêne un peu. J'ai peur qu'ils disent ça, les vendeurs, qu'ils disent vraiment, après je pense que les vendeurs, ils s'en battent les couilles. C'est plus le PDG de la Fnac qui pourrait tu vois, eux ils sont payés pareil, ils s'en branlent que tu fasses du repérage. Moi il y a un truc qui est tabou pour moi aussi, c'est de prendre en photo des trucs. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de ouf. Et des fois, je vois les gens le faire. Ouais, et des fois, on m'envoie en mission de merde. Genre des meufs dans le métro. Et je suis en mode, c'est vraiment ça le truc. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ose pas le prendre en photo parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Mais je me dis, je vous jure, je vais peut-être acheter. Bah, c'est ça, ouais. Parce que moi, les caméras dont je parlais, effectivement, je prenais des photos, des trucs et tout. Et je suis revenu l'acheter, ma caméra qui nous filme actuellement. Mais en fait, pour lieu du coup. Mais moi, je sais toujours pas. Je vous demande, en fait, on a le droit ou pas de prendre en photo? Ouais, ouais. Je crois on a le droit de faire du repérage aussi. Et d'acheter sur Internet. Vendre moins cher vos trucs, vous êtes pour un mode multinational, donc niquez-vous. Ouais, mais si c'est pour aller sur Amazon et tout. Si vous voulez sponsoriser, niquez-vous pas. Voilà, non, on vous adore. Ouais, voilà, tout va bien. Les petites pubs là qu'on fait, elles sont marrantes. Ça vous fait un bon chiffre d'affaires. Non, moi je l'avais mis même dans bloquer cette vanne. Moi, quand j'étais ado, j'allais à la. Alors, c'était pas la Fnac, c'était Leclerc, et je regardais les films pour ensuite les télécharger. C'est pour dire, ah, il y a quoi comme nouveauté? Ah, sympa, sympa. Et après, j'ai téléchargé illégalement sur Internet, sur LimeWire. C'est à cause de toi que. Que le cinéma meurt en ce moment. Heureusement qu'Anis est là pour acheter deux fois Osmosis Jones. Et sauver l'industrie. Non, mais en plus, moi, alors, c'est pas très intéressant, mais du coup, ma phrase est commencée, je peux plus m'arrêter, c'est trop tard. Non, mais en fait, justement, quand tu disais que j'étais à fond dans les jeux de société. Et j'ai repéré des jeux de société que je voulais acheter. Et j'ai mis un point d'honneur à aller les acheter dans des boutiques physiques de jeux de société et tout. Et bah, c'est relou, quoi, parce que j'en ai fait 4 en fait pour trouver tout ce que je voulais. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi? Parce que pour les livres, il y a un truc échambé qui s'appelle Place des libraires, un site, je sais pas si vous connaissez. Super, ouais, génial. Tu cherches ton livre et il te dit dans quelle librairie il est, tu peux le commander, aller le chercher. Donc, mais ça, par contre, pour le récupérer, il donne rendez-vous dans 10 ans. Ça qui est un peu relou. Même jour, même heure d'ailleurs. Ouais. Enfin, même pas. Même tome. Il a levé le doigt. Vous le voyez pas, mais il a levé la tête. Monsieur Cyclopède, écoutez, attendez. Non, et en fait, il faudrait qu'il y ait ce genre de site, mais pour tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce que j'en parlais à mon ex, elle m'a dit, en fait, il faudrait qu'il y ait un Place des libraires pour les jeux de société. J'ai dit, mais ouais, de ouf. Et en fait, il faudrait qu'il y ait un Place des libraires pour tous les objets, quoi. T'es le nouveau Mallory pour moi. Et non, mais tirez plus sur tirez moins. Parce que les gens, ils disent, ouais, vous commandez en ligne, vous êtes pas. Ouais, mais en fait, il y a des objets. Genre que tu vas aller dans 50 boutiques au hasard, vous avez ça? Non. Ouais, des fois, allez, tu sais salut. Pas où aller, quoi. Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai voulu acheter une balance, et tout, une pèse personne l'autre fois, et je commence à regarder sur Amazon, et je me dis, ben non, enfin, j'essaie d'acheter le moins possible de trucs sur Amazon. J'ai galéré à acheter une balance. Et tu l'as acheté sur Amazon? Non. Je l'ai acheté à Monoprix. Figurez-vous. Y a tout à Monoprix. Ouais. J'ai acheté des gants très agréables à Monoprix récemment. Ah bah, j'étais choqué. Non, mais genre, chercher des gants, enfin, bêtement, je savais pas où les acheter. Enfin, tu sais, je sais pas où t'achètes des gants. Uniqlo, mais c'est fabriqué par des Ouïghours. Hélas, donc. Bon, marque Monoprix, on sait pas. Non, mais oui, c'est même les fringues. À Nice, à un moment donné, il y avait un tips sur le fait que ça avait du flow. C'est toujours le cas chez Monop, les fringues? Oui, c'est vrai que c'est de la bonne matière. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Il y a des trucs, ouais, des fois, tu fais. Il y a un peu de tout, quoi. Ouais, même c'est bien coupé. À Noël, j'étais surpris, j'étais un peu à l'arrache sur les cadeaux. J'ai trouvé vraiment beau. Il y avait un jouet, librairie. Enfin, tu vois, ils ont plein de trucs. Enfin, bon, voilà. Un supermarché, tu veux dire ? Ouais. Genre vraiment fat. Avec vraiment non, mais en vrai, Monoprix, c'est plus. C'est quand, quand tu vis à Paris, enfin, je pense vous êtes pareil, quoi. Ouais. Quand t'as l'habitude d'un grand centre commercial, t'es à Paris, t'es paumé, quoi. Tu te dis, mais où est-ce que je trouve du scotch ? Alors qu'avant, t'allais à Carrefour et tu savais qu'il y avait tout, quoi. Il y a tout. T'achetais tout d'un coup. Faut contrebalancer. On a été trop cool avec Monoprix. On dirait vraiment une pub. Par contre, ça me. Ouais. Je veux dire un truc négatif. Les jeux de mots, pas ouf quand même. Bah, c'est sur c'est leur plus cher. Non, c'est un peu Annie, plus cher. Une anecdote pour les jeux de mots Monoprix. Mais en même temps, ça veut dire que le service client est sympa. Donc on continue de. Ouais, j'ai une anecdote incroyable. C'est qu'un jour, on achète. Mais dommage, je me rappelle plus dans le détail. Mais on achète un truc. On l'inventera. Mais le jeu de mots, je le capte pas. C'était genre avec des baguettes, c'est mieux, un truc comme ça, quoi. Il y avait pas trop de jeux de mots en fait, c'est juste une phrase. Okay. Du coup, on regarde le numéro du service après-vente et je les appelle, mais premier degré, tu vois. Tu t'es filmé, bien sûr. Non, mais on était dans la salle talent à Golden, donc il y avait du monde, donc c'était un peu le spectacle, mais c'est vrai que j'ai pas filmé. Ah, et du coup, je les appelle et tout, et je leur explique, voilà, sans me foutre de leur gueule, en disant, alors moi, c'est drôle. J'essaye d'être gentil, quoi. Je dis, j'apprécie vos jeux de mots, je trouve que toujours. Déjà, j'essaye d'être. Ça met un petit peu de sourire dans ma vie. Et puis je dis toujours, on capte direct. Et là, je dis, je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi avec des baguettes c'est mieux. Donc, si vous avez la réponse, et le gars il me dit, mais c'est quoi le truc? Il cherche, il dit, est-ce que c'est pas par rapport à ça? J'ai dit, bah non, c'est pas trop. Tu sais, on brainstorm, quoi. J'ai dit, ça a pas trop de sens. Il me dit, ouais, vous avez raison. Il dit, bah, je vous rappelle. Et un jour, message vocal. Mais génial. Le gars. Mais génial cette anecdote. Je trouve, j'ai encore le message vocal, mais bref, le gars, il est en mode. Alors, on a fait remonter aux équipes et ils m'ont fait savoir qu'en fait, c'était par rapport au fait que ça ressemble à des sushis. Ouais. Donc avec des baguettes, c'est mieux. C'était pour ça. Donc je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Rally. À très bientôt. Et j'étais heureux, quoi. Je me disais, c'est cool. Mais sublime. Et cela dit, je pense, enfin, je m'identifie, je me mets à la place de ce gars. Ça a dû être le meilleur appel. Ou genre, c'est vraiment un jeu du Floodcast où tu dois trouver un jeu de mots. Ouais, t'as raison. Attends, on va trouver. Je vais trouver. Et pour une fois, c'est pas. Dis donc, le Nutella là, il y a écrit 2,84 sur le fascicule. Et quand on vient, c'est 3,02€. Ouais, mais moi, je non, parce que Monoprix, c'est le meilleur magasin. Personne ne se plaint. Non, non, mais moi je croyais c'est que ça allait. On a dit qu'on arrêtait. Ah, pardon. Vous avez raison, mais moi je m'attendais peut-être à l'inverse. Qu'ils me disent vous appelez pour ça là. Ouais. Vois, vous faites chier ou quoi. J'ai dit ouais, bah il ouais, y a un numéro. Qui se faisait chier en fait. Ouais, il a adoré, moi je comprends. C'est bientôt la fin hein, des news du Floodcast. J'en ai un petit quand même parce que à l'heure où l'épisode sort, nous sommes le 16 janvier. Mm-hmm. Si vous écoutez aujourd'hui le podcast dès sa sortie, donc c'est aujourd'hui. Et c'est une journée particulière le 16 janvier. C'est une journée mondiale. De quelque chose, c'est une journée en tout cas qui a une spécificité qui serait le plus quelque chose de l'année. À votre avis, quoi ? Là, avec le plus de nuits. Non, le plus de. Ouais, les nuits les plus longues. Non, pas la nuit la plus. C'est le 22 décembre, ça, je crois. Non ouais. Ouais, bah c'est bon. C'est mon anniv. Pour ça, j'ai des. Je suis aidé. Alors, les cadeaux, t'en as qu'un ou. Ouais, c'est vrai. Personne n'a traité ce sujet. Putain, c'était mon 5 minutes. Putain, bien dans les chiottes. C'est la journée la plus quelque chose de l'année. La plus coquine. Non, la plus co, la plus in. La plus inventée par Mallory. Non, c'était pas ça. Alors, sachez justement. C'est lié à ça. Pour vous, non, pas du tout. Okay. Ah, mais pour vous donner un petit indice, c'est une journée inventée. C'est-à-dire que je vous demande pas un truc scientifique de ah, c'est la journée avec le plus de machin. Ah, c'est genre la journée mondiale du skateboard. Quoi. Oui, mais c'est la plus quelque chose. La plus baise. Pardon. La journée la plus mondiale. C'est la journée la plus baise. Non. La journée la plus. Imaginez que ça a été créé par des marketeux quand même. Ok. Peut-être même que des marketeux. Pour une campagne publicitaire à la base britannique pour la chaîne de télévision Sky Travel. La journée la plus 29 jours avant la Saint-Valentin. Non, les gens prennent leur billet de vacances. Non. Non, la réponse est assez simple. Je vous demande vraiment un adjectif. La journée la plus quelque chose cool. De l'année. Pas cool. La plus drôle. Non, on est funky. La plus belle. Vous êtes dans des trucs positifs. Dard. Vous voyez des trucs plus négatifs. Pas la plus dard. La plus raciste. Imagine la pub. Aujourd'hui, c'est la journée la plus raciste de l'année. Acheter des mouchoirs. Quel est le rapport? Non, la journée la plus. Mortelle. Non. La construite. Dangereuse. Non. Violent. La même lettre que dangereuse. Bresson. Ah non. Ah. Dard, c'est Dard. Non. Mm-hmm. Bresson. Dark. Dark. Ah, c'est avec un D donc. Ouais. La plus disruptive. Non. Dévastatrice. Non. Non, mais on est pas loin. Hein. On est dans ces eaux-là. Hein. Daddy. Non. Le sucre. Daddy, c'est une marque. Ouais. Non, c'est créé par une marque, mais la journée la plus, c'est un adjectif. Dérangeante. Daniel Craig. Non, mais c'est fini par pas mal de gens. Non. Ah, déprimante. Déprimante. Oh. C'est censé être la journée la plus déprimante. Ah, c'est dans deux de jours. L'année. Ouais. Ah bah super. Le Blue Monday. Tu aurais pas pu nous le dire après parce qu'on va bader là, du coup. C'est le surnom donné au jour le plus déprimant de l'année par une campagne publicitaire britannique pour la chaîne de télévision Sky Travel en 2005. Ça en va. Général, cette journée correspond au troisième lundi de janvier. D'après Sky Travel, ce lundi serait le point de convergence de plusieurs paramètres négatifs, dont le début de la semaine, le lundi, le salaire du mois pas encore tombé, qu'on est le début mi-janvier, la météo, la saison froide, la nuit longue depuis déjà un certain temps et qui va continuer à être longue pendant plusieurs semaines, la période post-fête dont les dettes de Noël non remboursées et l'arrêt des bonnes résolutions, des paramètres pouvant se mettre en formule pour en déduire la date. Et si vous allez sur le Wikipédia de Blue Monday, il y a carrément une formule mathématique de pourquoi c'est la journée plus déprimante de l'année. Et à votre avis, la journée la plus heureuse, c'est quand? Bon, c'est en été, j'imagine. C'est mi-juin, ouais, c'est mi-juin. C'est-à-dire l'été arrive, les vacances arrivent un tout petit peu, c'est, les vacances arrivent, etc. Ah, c'est marrant, ça aurait pu être la rentrée aussi scolaire la plus déprimante. Ouais, mais je crois qu'il y a des gens que ça excite un peu, tu vois. Là, genre... c'est le poids de l'année, quoi. Et c'est pour ça qu'ils disent c'est le 16, c'est pas le 1er janvier où t'es encore un peu excité. Là, il y a un peu un truc de. Bon, en fait, ça ressemble beaucoup à décembre, etc. Vous êtes, vous. Déprimé. Non, non, en plus, en début d'année, est-ce que vous. Pas des bonnes résolutions, mais est-ce que ça reboot un petit peu? Ouais, toi, t'as ça. Alors que je faisais pas ça avant, mais je m'y suis mis. Mais je crois qu'avec l'âge, ça arrive. Ouais, bah en fait, ça donne un petit élan. C'est le... Parce que tout à l'heure, je disais ça n'a pas de sens, la bonne année, machin, c'est juste le lendemain. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu, vas-y, c'est janvier, bah, un peu comme septembre, tu vois. Vas-y, c'est la rentrée, on se motive sur des trucs et tout, quoi. Let's go. Ouais. Et je me rappelle que dans les années 2000, j'avais arrêté le ketchup. Excusez-moi. Ouais. Ça, tu l'as tenu ça, ou pas? Ça, c'est le début du chapitre 5 de ton autobiographie. Je mettais du ketchup dans tout. Ah ouais? Et cette année, j'ai arrêté quoi? À chaque fois, t'arrêtes un truc? Je crois que je me chauffe. Voilà, j'ai arrêté de fumer, mais c'était pas le 1er janvier. Ah oui, c'est un vrai truc là. Plus dur que le ketchup. Putain, mais si tu vis trop longtemps, peut-être tu feras plus rien quoi. T'auras tout arrêté. À chaque fois, t'arrêteras de respirer. Je suis poétique. C'est pratique, ça veut dire que ça me manque pas. J'ai arrêté, je les retrouve même pas quoi. L'année dernière, t'as arrêté des migrants, tu m'avais dit. Pendant l'année la plus raciste, le jour le plus raciste. Je t'ai vu en contrôler 2-3. Ouais, il a arrêté d'arrêter en 2023, il a arrêté. Putain, c'est fou, dites des trucs, c'est fou que je retrouve pas. Là, j'ai bien fait d'arrêter le téléphone, le téléphone dans ton lit. Arrêter de te rappeler des trucs. Non mais cherchez-vous. Cherchez pas moi, cherchez-vous. Sans que ce soit des résolutions, est-ce que toi, le début d'année, t'as un espèce de truc de allez, on recommence. Pas du tout. Non. Désolé. Tu réouvres pas la machine. Non, mais justement, il y a des gens qui doivent être comme toi. En fait, j'arrive à comprendre, mais j'arrive pas à l'appliquer à moi-même. Quoi. Je trouve ça un peu absurde. Oui, t'as pas cette envie. Mais peut-être que ça va m'arriver dans 3-4 ans. Peut-être qu'Adrien, il a raison. C'est un truc d'un moment où tu te dis, mais j'en ai. Enfin, je comprends les gens que ça leur donne un boost, quoi. Ouais. De se dire, allez. C'est maintenant, c'est... Moi je suis plus un gars, j'aime bien choisir le moment quoi. Mais juste, et ça t'arrive pas non plus en septembre? T'as même pas ce truc là de... Non, c'est pas lié à une période. En fait moi je suis... Tu sais pas quel jour on est. Un peu comme Neo dans Matrix quand il dit... Ah tu voles? Non, il dit à Morpheus, je sais plus, là, j'ai plus la phrase exacte. Mais il dit un truc on du genre... On attend pas Patrick je crois, c'est ça. Eh ben dis donc, comme un lundi. Non, il dit un truc genre, j'accepte pas de pas avoir mon destin dans les mains. Ouais. Quand j'étais jeune, cette phrase, elle m'a parlé de ouf et tout. Ouais. Et j'avoue, je suis un peu comme ça. Ouais. Moi, j'ai besoin que, pour que ça soit effectif et que ça marche, c'est moi qui l'ai décidé. Mais t'as quand même des moments, alors pas oui, dans une période moments, dans l'année où tu te dis, ah vas-y, là, faut rebooter un peu la machine, vas-y, je me mets non, des... Non, souvent, moi, c'est plus, vas-y, tente ça. Ouais. Ah bah oui, bah mais cela dit, tu peux dire ce que tu fais cette année du coup. Cela dit, bah, je sais pas si je voulais en parler, mais ah, mais non, mais t'es pas obligé d'en parler, mais c'est juste je l'ai vu dans la vidéo d'Étienne et Antoine. Oui, mais si je vais en parler, un parce que toi, c'est tout. C'est mais... sur YouTube en fait. Donc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en janvier, je me suis dit tiens, je vais tester le stand-up. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas, c'était lié donc, au monsieur, fait de la nouvelle année. Moi, je fais pas trop ça. Non, c'était plus, c'était le moment parfait pour moi, quoi. Ouais. Ça aurait pu être décembre ou c'est juste, je me suis dit tiens, là, c'est le moment. Le hasard fait que c'était. C'était le 1er janvier au moment des nouvelles résolutions. J'ai décidé ça à minuit. Bon voilà, voilà, c'est un hasard, c'est un hasard. Mais du coup, on peut dire, du coup, faire un peu de pub, c'est au Random Comedy Club que t'as fait ça. Ouais. Ça a été créé tous les par Iggy Pop, Etienne For You et Antoine Piombino. Peut-être pas tous les mercredis, mais en tout cas, c'est les mercredis. C'est tous les mercredis. Ouais. Et c'est. Au Kibélé, c'est au Kibélé, c'est mettez-le dans la bio Insta, ça évitera des silences dans les podcasts. C'est au Kibélé, faire de la pub. C'est métro Strasbourg Saint-Denis. Ah, ouais, très bon délire. Et l'idée c'est à 20h et 21h30. Ça y est dans la bio, pardon. Désolé, je suis un connard. Il y a deux passages, 20h et 21h30. C'est ça. Et du coup, enfin, faut expliquer leur concept là. Bah non, mais c'est juste que non, mais c'est juste pour aller quelque part. Mais ouais, il y a le côté random en mode ils annoncent pas qu'il va venir. Ouais. C'est des gens qui veulent s'exercer, mais que ça veut pas forcément dire qu'ils veulent faire du stand-up à fond et tout. C'est aussi une manière de dire allez venez, on rigole, c'est détendu, ouais, ouais, c'est détente. Mmh. Et du coup, bon bah évidemment, tout le monde attend que Adrien. Bah là, j'ai vu. Sous le top commentaire sous la vidéo où vous explique le truc, c'est ça. Ah, j'ai pas, le top commentaire, ouais, c'est est-ce que Méniel va le mais faire. Mais pas de pression, pas de pression. Pas, de pression, non, bien sûr. Pas du tout. J'aurais pas déjà proposé et tout. Bah oui, bah, ils m'en ont parlé. Ouais. Et c'est lié à Étienne Antoine qu'on avait reçu et qui, eux, effectivement, sont partis dans un délire. Je le rappelle, si vous n'avez pas écouté l'émission, ils n'ont jamais fait d'humour de leur vie. Enfin, si, dans le cas. Non, pardon. C'est sinistre. C'est les moins drôles du monde et ils se sont dit est-ce qu'on peut changer ça. Non, ils n'ont jamais fait de stand-up, ils ont fait de l'humour. Antoine en l'occurrence avait fait était dans le podcast 2 heures de perdu et puis Étienne Fariouf anime des soirées avec du Twitch, etc. La déconne des podcasts, tout ça, mais tout, ils n'ont jamais fait de stand-up et donc ils sont lancés dans ce truc, ils ont réservé une salle et ils vont un peu moins d'un an, une salle, le Trianon qu'ils ont déjà rempli, je crois qu'ils ont même une deuxième date, pour voilà, mais c'est trop bien, c'est trop bien, et je crois qu'effectivement leur comedy club c'est aussi lié à ça, effectivement. Bon, je vous répète ce que vous allez dire, mais c'est ce que vous avez dit, c'est des gens qui font du stand-up mais avec pas la volonté forcément de faire une carrière ou un spectacle, ouais, ou machin, mais plus comme un divertissement, genre bah j'ai envie d'en faire un petit peu et le public est au courant et je trouve ça très bon. T'as envie d'y aller toi ? Moi peut-être je serai là un jour même. Hey, je sais pas lequel. Peut-être je serai là dans un. C'est vrai que ça titille, ouais. Bah parce que moi j'aime bien faire du stand-up et j'ai adoré avec le podcast faire de la scène, mais j'ai aucune envie de monter un spectacle, j'aime bien raconter des conneries quoi, tu vois, c'est juste ça. Et c'est juste que maintenant que le podcast est très écouté, des fois c'est pas de l'autocensure, mais je me dis bon, ça je vais pas raconter ça parce que il y a des conséquences maintenant, tu vois. Ouais. C'est vrai que dans une petite venez, ça va être ultra raciste et misogyne. Je vais même dropper des youtubeurs. Non mais voilà, c'est juste je me dis ah c'est cool de pouvoir tester des vannes et des trucs. Ouais, bah moi ça m'a chauffé alors que de base jamais de la vie, tu vois. Ouais. Enfin, si, de la vie, mais pas beaucoup de la vie, quoi. Non, mais tu vois, c'est tellement détente leur truc que. C'est organisé par des mecs très détente, en fait. C'est ça, tu vois. C'est pas organisé par. Je sais pas. Bah, même, et qui sont pas marrants, en plus, donc t'as pas peur d'être. C'est ça que Gadrien, tu disais. Ouais, bien sûr. Non, parce que tu vois, même Yacine Bellouz qui fait un truc qui est vachement bien, qui s'appelle Première fois, que moi j'ai eu la chance de faire, et c'est des soirées que je vous conseille également. Mais c'est organisé par Yacine, et il y a aussi des très bons humoristes. Et c'est une grande salle aussi. Et c'est une grande salle. Donc, même si c'est la première fois de Paul Mirabel, bah, il a déjà fait plein de sketchs, tu vois. Alors donc, oui, parce là, que première fois, ça veut dire c'est la première fois que vous jouez quelque chose. C'est quelque pas la chose. Première fois que vous montez sur scène. Mais il y a aussi des gens, sauf qu'il y a aussi des gens qui viennent pour la première fois. C'est la vraie première fois, donc il y a un côté. Voilà. Ouais, après, le public est. Ça peut être très intimidant. C'est quoi. Ça, le public est très chaleureux et c'est vraiment des bêtes de soirée. Oui, mais ça peut être intimidant. Là, ce qui est cool avec Étienne Antoine, c'est que. Et Guigui, voilà. C'est des gens qui disent nous, on vient de se lancer. Donc en fait, on a même pas. Tu vois, on est comme vous. Nous, on veut tester des trucs, quoi. Non, mais et ça, je trouve ça vachement bien. Non, mais je trouve ça cool parce que c'est un peu à l'image de leur démarche. Que au-delà que à titre personnel pour eux c'est cool, je trouve que ça dit aussi parce que tu sais le stand-up il y a un peu ça désacralise puis il y a un peu ce cliché de genre ouais faut en chier, faut se prendre des points dans la gueule, faut se faire pisser dessus par le public et puis après au bout de 12 ans t'auras peut-être une blague qui est drôle et tout et ouais peut-être aussi que c'est des gens qui sont pas très marrants et qui mettent 12 ans à faire une blague marrante. On sait pas, mais non, mais c'est très dur le stand-up, ça c'est sûr et certain, mais c'est cool de dire il y a une autre approche qui est un peu plus en dilettante et c'est aussi autorisé, quoi, parce qu'il y a un peu des gardiens du temple, je pense, dans le milieu bien du stand-up, sûr, genre il y a qu'une seule manière de faire du stand-up, c'est comme ça, et là c'est cool, et les gardiens de but aussi, et la preuve c'est que bah tu disais Aurélien, moi j'avais jamais envisagé de faire du stand-up, mais là ça peut me chauffer parce que bah voilà, il y a des gens, en fait c'est comme tu dis, il y a des gens, ils se disent ouais mais moi en fait, qui se disent j'ai pas le droit de faire du stand-up si je veux pas en faire une carrière. Ouais. C'est ça. Et moi c'est exactement. Et puis surtout, t'oses pas te lancer parce que tu dis les gens vont se dire ok, il veut percer dans le stand-up ouf. Ça. Ouais. Et c'est ça qu'il propose. C'est pour et ça aussi, que ouais, pardon. Même moi j'avais peur d'en parler parce qu'il y a ce côté genre ah t'as envie de percer dans le stand-up. Ouais. Alors non, que le médium il est tellement intéressant que pour des gens comme nous qui écrivons nanana et tout, bah c'est cool de pouvoir se challenger dans le médium. Déjà moi juste ça m'excite. Tu peux aimer faire des five le dimanche sans devenir Mbappé. Mais la même personne en fait. J'allais dire littéralement ça. Moi, t'allais faire un five, on te dit ah oh, tu lances tu deviens carrière de footballeur. Je me fais à manger tous les jours. Ouais, voilà. Et pourtant je ne veux pas être bien cuisinier. Joué, moi-même analogie. Je ne vais pas devenir DJ professionnel. Je vais. Et tu peux rappeler bien sûr, tu fais ça quand? Au petit bain. Tu fais au petit bain. le 4 avec, février au Etienne Petit Bain. You, tout se recoupe. Voilà. C'est un tout petit monde. Peut-être une mafia d'ailleurs. C'est la partie For You. Et je vais faire un DJ set. Allez. Et bon, je me chie dessus un peu parce que bah, y a des compétences techniques à avoir et tout. Mais bon, je vais être formé, hein, bien sûr. J'ai déjà commencé. Incroyable. Bon, voilà, il faut mettre lecture. Hein, c'est bon. On les connaît, les DJ. Ils mettent play. David bon, Guetta, c'est ils même pas branché le truc en bah, plus. Ouais, ça se voit. Et donc, du coup, ce sera entre 1h et 6h du match. Je sais pas quand exactement à l'heure à laquelle je passe, mais je vais faire un DJ set d'une heure en gros. Et tu savais pas que c'était la nuit. Ça, ouais, j'aime ça. Bien. Et en fait, très le drôle. Truc, c'est que moi, j'étais allé au Pigalle Décon Club qui était animé par Étienne. Et c'était genre fin d'après-midi et tout. Il y avait des DJ sets. Il y avait des princes, c'est cool. Du lait. Ouais, moi j'étais rentré chez moi genre à 23h, c'était cool quoi. Et donc là il me dit, et je sais plus, c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur de pas bien écouter, qui me disait que c'était Party For You et moi je pensais que c'était le Pigalle Décon Club. Et donc il me dit, ça te dirait de faire un DJ set? Et donc je me dis, ouais bah grave, trop marrant. Et en fait c'est un vrai DJ set où il y a genre 4 ou 5 DJ mais les autres c'est des tueurs quoi. Il y a un mec qui vient de Berlin, un DJ et tout. Incroyable. Mais des gens dont c'est vraiment c'est l'activité principale d'être DJ quoi. Et moi je vais être tu vois, là pour le coup c'est comme si tu vas faire un five et avec tes potes et tu vas, ouais bah grave, hein, moi je suis pas très fort au foot mais je veux bien. Oh. Et t'arrives et c'est Mbappé. Bon, moi ce qui est bien c'est que t'es sûr qu'ils vont pas mettre Crazy Frog, ça c'est bien. Ah bah non. Normalement non, si c'est des DJ pro t'as après, moins de chance. Je vais peut-être pas le mettre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas. Putain, vous savez que j'ai eu une news sur Crazy Frog. Je l'ai pas faite parce que je me suis dit qu'Adrien l'avait peut-être. Enfin, je l'ai pas mis dans le jeu. J'ai pas. Bah, je crois pas. T'es abonné au blog pourtant et pas de news. Je vous le donne, l'État belge a touché l'État des droits grâce à Crazy Frog. En fait, il y a ils sont détenteurs des droits d'auteur d'un sample. Je parle vraiment du pays, hein, la Belgique. C'est un sample qui a été repris par beaucoup de gens. Pour comprendre comment la Belgique a réussi à obtenir les redevances de la chanson, il faut tendre l'oreille. Les plus attentifs reconnaîtront que la chanson dénommée Ring Ding Ding Ding de Crazy Frog reprend la mélodie de Yo Soy Cubano. Malgré ses airs caribéens, ce titre ne vient pas des tropiques, mais d'un groupe belge, les Chakacha. C'est un de ses membres, Joseph van der Grovenwood, qui a composé le morceau. Mais c'est ouf. Et en 92, ce dernier meurt et se pose alors la question de son héritage. En théorie, ce sont ses fils qui auraient dû récupérer les droits d'auteur. Mais Joseph s'est éloigné de sa famille, naninana, et du coup, c'est l'État belge qui a récupéré ça, et donc c'est l'État belge qui récupère les droits d'auteur de Crazy Frog. Entre Eddie Murphy et l'État belge, il n'y a plus beaucoup de droits d'auteur. C'est pas la première fois, en fait, cette chanson a été reprise par de nombreux artistes, dont Crazy Frog, à savoir Fatboy Slim en 95 avec Magic Carpet Ride, et même Kendrick Lamar en 2012 avec Backseat Freestyle, qui est écouté 340 millions de fois sur Spotify. Les redevances pourraient atteindre alors 3,4 millions d'euros. Donc en fait, l'État belge se régale grâce à tous ces artistes. Non mais elle est rigolote cette info quand même. Ouais, ouais, ouais. Les amis, c'est la fin de ce podcast. On va faire les recommandations culturelles. Oh, ah oui, bah, j'oublie à chaque fois. Bah, j'oublie de prévenir évidemment. Ah, oui. Adrien, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle à faire aux auditeurs? Ouais, moi j'ai la vidéo, la track, comment elle s'appelle, qui va nous attraper, un truc comme ça. 48 heures. On appelle à quelqu'un au hasard en voiture. Et de McFly Carlito, j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça bien et je trouvais ça chouette. Et puis la vidéo s'intitule 48 heures pour nous attraper, une aventure épique, point d'exclamation. Avec le générique qui fait tout noir entre parenthèses. Et sinon attends, il faut que je cherche aussi, malheureusement je suis prêt. Bah moi je peux vous faire ma petite reco. Voilà. Moi c'est un film que j'ai vu sur MyCanal, je crois qu'il y a encore un film qui s'intitule Cop Car. Mais c'est quoi Cop Car? T'inquiète Aurélien, je vais te répondre, je vois bien que t'es excité. C'est un film qui est sorti en 2015 avec Kevin Bacon. L'histoire, c'est deux gamins qui ont fugué et qui se font chier et qui piquent une voiture de police. Sauf que le conducteur de cette voiture de police, il est un peu chafouin. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment un film indé. Alors ce qui est incroyable, c'est que c'est un premier film d'un c'est pas en 3D. C'est pas en 3D. Non, c'est indé. Okay. Ouais, non, vraiment, un seul dé. Non, c'est un film indépendant et qui est réalisé par John Watts. Et en fait, John Watts, c'est le mec qui est derrière. John Watts. Non, pas John Watts qui est le réalisateur de Tout simplement Noir. Ouais. Non, John Watts de TS. Ouais. Derrière, il a fait les trois derniers Spider-Man. Donc c'est vraiment des énormes trucs. Mais son premier film, c'est ça, c'est Cop Car. Et je vous le conseille si vous aimez les ambiances un peu frères Cohen. Et en même temps, les héros, c'est deux enfants un peu grossier, un peu vulgos, machin. Moi, c'est des ambiances de films que j'adore. 86 minutes, moi j'avoue que ça compte maintenant pour moi. Un film qui dit je dure moins d'une heure et demie, je t'aime déjà un peu bien. Donc voilà, Cop Car, super film qui dispose sur MyCanal. Et sinon, au cinéma, il y a The Banshees of Inisherin. C'est trop dur à dire. J'y suis quand même allé. Les Banshees d'Inisherin. C'est possible à dire que tu l'as vu, mais j'y suis quand même allé. C'est ça, c'est un film de Martin McDonagh. Qui avait fait Three Billboards, chef-d'œuvre absolu, et Bon baiser de Bruges, que j'adore également. Ouais, non, mec super fort. Et alors, c'est un film un peu chelou, hein, très contemplatif. C'est une fable, mais le concept du début est génial. Oui, mais le concept est génial. Okay, okay. C'est deux potes qui se font chier c'est en Irlande, je crois. Sur une île d'Irlande. C'est vraiment un village où il n'y a pas beaucoup de monde. Et un jour, un des deux dit. En fait, t'es plus mon ami, en fait, je veux plus te parler. Et l'autre, ça le rend fou. Okay. Il y a aucune raison, en fait. Il n'y a jamais vraiment de raison à pourquoi je veux plus être ton pote. Dac. Et c'est enfin, Colin. Un peu, mais tu vois ce que je veux ça dire. Ça avance doucement. Quoi. Et du coup, Colin Farrell essaie de comprendre pourquoi on peut plus être pote. Voilà. Et ce qui est déroutant, c'est qu'en général, ce genre de film, enfin, déjà, les pitchs sont moins barrés. Ouais. Mais tu vois t'es, leur vie, ils se voient tous les jours et tout. Là, ça commence, il va le voir pour aller au pub. Ouais. Le gars, il dit non. Tu vois même pas la vie d'avant. C'est ça. Je trouve ça assez fort en idée de mise en scène et tout. Et en truc, parce que ça te tient sur un truc. Et ça joue trop bien. Et c'est un très bon film. Après, moi, on me l'a peut-être un poil survendu. Voilà. Mais si vous voulez juste voir un chouette film drôle, quand même aussi. Enfin, c'est triste, mais il y a quand même des moments de comédie que moi, j'aime beaucoup. Je pense à la scène où il est bourré dans le bar que je trouve et très drôle et très belle. Enfin, je parle de Colin Farrell. J'ai dormi pendant c'est ma scène préférée du film. Parce que j'étais fatigué. Mais pas de souci. Non, mais c'est très. Et il faut le dire aux gens, c'est assez lent hein, comme film. Ça dure 2 heures, mais c'est assez contemplatif. C'est trop beau. C'est mis en scène comme un western. Sauf ça joue vraiment bien. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et vraiment, non, voilà, je vous le conseille. Puis je pense que c'est un bon film à voir au cinéma parce qu'on en parle un peu la dernière fois, mais t'es dans une ambiance, quoi. C'est cool parce que chez toi, tu peux peut-être être tenté des fois par le portable, les trucs. Là, c'est bien, t'es vraiment dans l'ambiance du film. Et donc, il y a ces deux comédiens, donc Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui étaient aussi dans Harry Potter, je sais plus ce qu'ils jouaient. Gontran, mauvais oeil, j'en sais rien. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi la nana Kerry Condon, qui est géniale. Il y a Barry Keoghan. On l'a vu dans Afterlife. Barry Keoghan, qui est aussi un incroyable acteur, qui était dans Dunkerque, qui était dans Green Knight. Enfin, c'est un gars qui était le gamin dans le massacre du cerf, je sais pas quoi. Bref. Super film, n'hésitez pas à lui donner une chance, moi j'ai trouvé ça génial. Et sinon, Cop Car en streaming, j'ai parlé beaucoup, excusez-moi. Anis. Alors, moi il y a une série, mais Aurel il va dire que j'ai vu qu'un épisode. Bah c'est comme toutes les séries, Anis. Parce que oui, c'est vrai que je regarde souvent un épisode. Mais je regarde pas beaucoup de séries non plus, je suis dans ta team. Mais du coup, j'ai vu un épisode d'une série qui s'appelle The Bear. Ouais. Ah oui, ça tue. Et j'ai trouvé ça fou, en plus j'ai vu là... je sais plus c'était quoi comme cérémonie. Golden Globes. Okay. Ouais. J'allais dire, ils ont eu des Oscars, mais c'est pas ça. Ils ont eu des prix, je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça mortel. En gros, c'est un mec son frère est décédé et son frère avait une sandwicherie, je pense c'est à Chicago, un truc comme ça. Petite sandwicherie et tout. Et il se retrouve à récupérer cette sandwicherie, sauf que ce mec-là, c'est un chef étoilé. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que c'est, en tout cas tout l'épisode 1, c'est un huis clos super rythmé, etc. Où t'as des gens trop simples, qui ont la cinquantaine qui bossent dans la sandwicherie, t'as des mecs qui ont la vingtaine. Ouais. T'as vraiment un huis clos entre plein de persos très différents. Et lui qui est en mode, j'ai envie de pousser cet endroit au max du max. Il y a un truc intéressant, il y a un antagoniste qui est intéressant. Ouais. Donc je vais regarder la suite, moi. Pour c'est sur Disney Plus, on en avait un petit peu parlé aussi. C'était Marocco, il y a quelques épisodes. Mais super série. Non, pas du tout. C'est très bien de remettre une pièce dans la machine. Mais j'ai une deuxième reco, alors. J'avais pas prévu, mais comme j'ai le seum que t'es. Vas-y. Non, mais il y a une vidéo que j'ai vue sur YouTube pour le coup qui s'appelle La crise du sens. Ouais, c'était Marocco. Non, mais c'est assez fou parce que. C'est le genre d'anomalie sur YouTube qu'on voit pas beaucoup parce que c'est une chaîne, c'est sa première vidéo. Ouais. Donc c'est un mec qui a 20 piges, sa première vidéo et tout. La miniature, elle est grave intrigante et ça a pété, enfin, ça a peut-être 130 000 vues, un truc comme ça. Ouais. Mais pour un mec qui a zéro abonné et tout, ouais, bien sûr, sur YouTube, énorme. Ça arrive jamais, il n'y a pas de featuring, rien. Ouais. En gros, c'est un mec qui a fait une vidéo d'une heure où il a la vingtaine et il explique qu'il sait pas quoi faire de sa vie, il a pas de problème, pas de truc. Et ça m'a mis dedans direct, tu vois, je trouve ça super intéressant et super générationnel. Après, en gros, pendant les 1 heure, il fait un pèlerinage. Ouais. J'avoue, j'étais plus dedans, mais dès le début, il m'a accroché. Enfin, je regarderai la suite à un moment. Ah bah, les gens, donc je pense, c'est intéressant à voir, surtout si vous êtes en crise de sens, ça peut arriver. Donc, ça s'appelle La crise du sens et la chaîne, c'est Kemo, K-E-M-O, je crois. Super. Il y avait d'ailleurs, très vite fait, parce que je veux pas te mettre en retard, il faut que tu ailles, t'as ton émission de radio. Très très bientôt. Oui. Mais il y avait aussi une super vidéo que t'as partagée en story sur Tetris, Adrien, que je conseille aux gens. C'était quoi la chaîne, tu t'en souviens? La chaîne, c'est Ego, je crois. Ouais, c'est ça. Super, super vidéo sur les championnats du monde de Tetris, etc. Et en fait, le truc, ça parle du fait que. En fait, jusqu'à présent, enfin le mec qui a gagné, qui a été 7 fois champion du monde de Tetris, en gros, le principe c'est de bouger les pièces de gauche à droite, et en gros, lui il bougeait les pièces, il laissait appuyer à gauche ou à droite, et la pièce se déplaçait. Et ensuite, il a été détrôné par ceux qui, au lieu de laisser appuyer sur le stick, enfin la croix à gauche ou à droite, ils appuyaient très vite. Donc du coup les pièces elles se déplacent un peu plus vite. Du coup ils peuvent jouer plus longtemps quand ça commence à tomber très vite. Mais faut pas en dire plus, moi je savais rien. Je me suis bouffé la vidéo comme ça. Et c'est vraiment super intéressant. Le titre c'est quand même la nouvelle technique qui a révolutionné. Mais du coup c'est pour dire que ça commence comme je ça. Dis pas comment, mais il y a une nouvelle. C'est pour dire que Tetris, qui est un des plus vieux jeux, qui paraît le truc le plus basique du monde, qui est vieux de ouf et tout. Donc il y a toujours des championnats du monde qui sont toujours sur la version NES. Et qu'il y a des méthodes en 2022. Il y a encore des rebondissements dans le monde de Tetris. Et c'est ultra, c'est vachement intéressant. Super intéressant. Je suis tombé dessus par hasard, c'était trop bien. Aurélien, ta reco. Vous voyez Comme les grands sur Netflix? Ah, oh, ouais. Trop bien, yeah. Non. Ok, parce que je me dis autant parler. Parce que là, j'allais dire White Lotus, mais c'est bon, je pense qu'ils ont pas besoin que je fasse de la pub. Si t'étais pas là, j'aurais dit Comme les grands, mais comme c'est toi qui m'as fait découvrir, je pouvais pas. Je développe pas sur ceux que je développe pas, mais il y a Zen aussi où j'avais envie d'en parler. Mais bon, Maxime est déjà venu ici, je pense que les gens connaissent un peu, mais vachement bien. Jeter un coup d'œil à Zen, ouais, c'est chiant. Mais franchement, c'était pas bien avant, donc on peut dire que c'est vraiment très bien. Et surtout, c'est une énergie d'une bande de gars. Ils vont pas faire ça à 1000 ans, c'est maintenant, faut kiffer, c'est maintenant, c'est tous les 15 jours le lundi soir sur la chaîne de Maxime, c'est très très bien. Mais ouais, Comme les grands, moi j'adore, ce que je trouve l'idée elle est vraiment forte. C'est une série japonaise, et en fait, mais l'idée elle est vraiment stylée, quoi. C'est il y a une tradition au Japon qui est le moment donné où un enfant pour la première fois va faire une course tout seul. C'est un vrai concept qui existe. Ah, putain, on l'a tous fait dans la vie, d'aller faire la première fois une course tout seul. Sauf que là l'idée c'est que il la filme cette première fois où on va faire une course tout seul. Donc c'est un gamin quelque part, il est jamais sorti tout seul de chez lui, mais il connaît l'endroit où on l'envoie, et ses parents ils disent ah bah ton père il a oublié de prendre sa toque, il faut que tu l'amènes au resto. Et le gamin il fait quoi? Mais tu pourrais faire ça pour ton père, il a vraiment besoin de sa toque. Et donc il y a des gamins qui sont plus ou moins motivés de base et tout ça machin. Et ensuite ce qui est ouf c'est que tu vois juste un gamin qui va à un endroit donné, et c'est bien foutu parce que il y a une petite map, on voit le quartier, on voit ce qu'il est censé faire et tout ça. Mais en fait le dispositif de mise en scène qui est ouf, c'est qu'il y a des mecs partout qui les filment avec des caméras, mais les gamins ils ont moins de 5 piges, donc ils percutent rien. Ils percutent pas, parce que tu peux pas te dire. Les voitures les percutent parfois. Non, parce qu'ils sont super surveillés, justement, il y a des gens un peu partout, machin. Et en plus, coup, au Japon, ils sont méga. C'est grave attention. C'est un peu comme si tu. Voilà, tu. Pour le faire avec un adulte, il faudrait lui faire fumer beaucoup de joints et lui demander de faire un truc. Il y a un peu ce délire-là, tu vois. Mais là, il y a le côté le gamin qui se motive à aller faire son truc et qui se perd ou pas et qui. Tu vois que c'est un moment hyper important dans sa vie du gamin. Et c'est vrai que le dispositif, parce qu'il y a des mecs en fait qui filment, ils ont des caméras dans des boîtes et ils les ont à la main comme ça. Okay. Et forcément, tu peux super bien filmer les gamins tout le temps, tu vois hyper bien les réactions et ils vont jamais dire mais c'est une mission de télé en fait. Ouais. Il y a un épisode où des fois ils sont en duo les gamins, il y a un épisode où deux gamins ils crament toutes les cams tout le temps. Ah, ils font il y a des caméras, il y a des caméras, il y a des caméras. Mais les gars ils sont en panique, sauf qu'après, le cadreur il dit et vous faites quoi? Il dit on va faire les courses. Ils s'en foutent en fait. Et effectivement, avant 5 piges, tu peux capter qu'il y a des caméras, mais tu vas jamais te dire. C'est une émission télé, tu vois. Et là, il y a la saison 2 qui vient de sortir. Il y a l'épisode qui est ouf, où je vais pas spoiler, mais en gros, il y a une petite qui doit faire un truc de ouf. Elle y arrive pas, elle essaye. Livrer de la coke. Non, mais un truc vraiment dur à faire et tout. Et en gros, à un moment, elle abandonne. C'était trop dur, elle regarde le caméraman alors qu'elle lui a jamais parlé. Ça fait 16 minutes d'émission. Elle a jamais parlé une fois au caméraman, mais là, elle est en mode. J'y arrive pas, franchement. Oh. On dirait qu'elle-même, elle s'est dit bon, je sais que c'est une émission, vous me faites chier, là, franchement, c'est dur à faire votre truc et tout. J'ai trouvé ça trop touchant. Mais bref, ouais. Non, mais voilà, c'est rien que je raconte plus, mais tu vois, une petite aventure, ça, les épisodes durent genre 15-20 minutes. Ouais, ça. Et c'est en plus toujours dans des endroits un peu jolis du Japon et qui montrent aussi les traditions. C'est souvent lié à un tel restaurant ou telle boutique. Ils font tous des sushis, ils ont une boutique traditionnelle de trucs et tout. Souvent, soit ils sont pêcheurs, soit. Et tu vois des coins super et tout, machin. Et c'est trop, enfin, je trouve ça trop bien. Enfin, tu sais, c'est fou ce genre d'idée où tu te dis putain, mais c'est une pure idée. Mais comment tu as cette pure idée, tu vois? Ouais. J'ai hâte qu'ils fassent une version française et que ce soit nul. J'allais dire, j'ai hâte qu'ils fassent une version avec des vieux. Oh, je suis où? Oh, il y a des caméras. Cela dit, t'as dit avec des mecs foncés. ça peut être ça pas marche mal. Aussi ouais, très, concept, ouais. Ouais, très bon concept ouais mais après tu psychotes enfin moi c'est ouais, une activité non. que je fais bon, de temps en temps une fois par an je vais dans la rue avec des lunettes de soleil et je suis foncé l'été en général j'aime bien et c'est vrai que tu psychotes vite en fait c'est le problème ouais. c'est être foncé tu peux flâner mais dès que t'as l'impression qu'on te regarde tu stresses ouais, ouais. épisode 2 il y a un mec qui plante un caméra à la jugulaire du coup bah t'es plus dans ce mood d'enfant que tu retrouves avec la drogue que j'ai arrêté il y a une semaine ah bah voilà il a retrouvé ce qu'il avait arrêté ouais bah oui je l'ai dit tout à l'heure. Bon bah merci chers amis. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver Anis là qui va partir directement à Radio France ouais. Pour son émission Moins de 10K yes. tous les samedis de 19h à 20h exactement et toujours ta chaîne YouTube ouais, toujours, ouais. vous êtes tous les deux aussi sur TikTok chacun yes. je sais que vous postez régulièrement ouais mais on y est à l'aise ouais. parce que les gens le savent pas donc faut pas le dire ah ok pardon c'est le concept de TikTok non, tu dis y a pas les gens du game on lui nique toutes ses promos on dit non faut pas le dire ça faut pas le dire non en vrai si faut le dire ouais. Et Insta je pense que c'est Insta oui voilà au moins on suit les infos comme ça où on a les infos quoi voilà quoi. Et YouTube, ouais. Ouais, et Aurélien, YouTube. T'as d'autres effets de prévu en tournée parce que là, c'est marrant, c'était nous deux d'ailleurs. On a ouais. fait avec moi et Baptiste. Et si avec vous connaissez Thomas pas et Adrien, ce format et que vous aimez bien les deux petits loulous qui animent ce podcast, bah, les deux derniers épisodes, effectivement, c'était eux qui m'accompagnaient. C'est ça. Et t'en as d'autres de prévu un peu. Là, j'en ai tourné ouais. un avec le dernier épisode de ma trilogie. Je suis sur le montage. Dernier épisode de ma trilogie en tournée parce que normalement, le concept pour les gens qui connaissent pas, c'est que je vais chez les gens et ils font leur morning routine les yeux bandés chez eux. Adrien et Flaubert l'ont fait. Et là, je fais une édition en tournée pour pouvoir aussi voyager. Un peu et puis le faire chez des avec des gens qui sont pas forcément à l'aise à l'idée de montrer leur intimité ou qui ont des enfants ou qui ont énormément d'argent. Non, c'est pas le cas de Baptiste et Thomas. Enfin, non, après, je connais pas leur compte en banque. Tout va bien, tout va bien. Mais bref, tout ça pour dire que. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, là, je finis la boucle avec Panayotis, le frérot Panayotis. Et on a été sur une date de tournée à Colombes, pas très loin de Paris, avec Alice Moitié en accompagnante. D'accord, très bien. Donc je suis très content. Il y aura un petit univers. Il va y avoir un petit univers. Il y aura un petit univers, je pense. Et voilà, c'est le prochain épisode qui sort. Génial. Bon, bah très bien. On va pas faire l'affront de te demander une date. Parce qu'on, voilà, c'est le dernier dimanche du mois. Ah, quand même. Ah, en général, avec les marques, il y a un délire. Carré. On ah, bah dit oui, le sûr. Mois, et après ils disent quel jour. Je dis le plus tard possible. Ouais, bien sûr. Donc, dernier dimanche du mois, en général, mes vidéos sortent. Bon, bah génial. Bon, bah merci tout le monde. Adrien, toujours, viens de finir un La bonne auberge. Ah oui, ça a repris. Là, j'ai vu qu'il y avait un générique de ouf. Et alors, la bonne auberge qui passe en bi hebdo. Ah. Deux épisodes. Non, bi. Bioman. La merde. Bi mensuel. Bi mensuel. Deux épisodes par mois. Ouais. Au lieu d'un, donc Sublime. Ça c'est stylé. Et voilà, et sinon, bah oui, comme tu dis, tu viens de terminer un tournage. Film ouais. voilà, qui sort cet été normalement. Voilà. Je où crois. Tu es, bah, si on devait te comparer à un acteur américain, le Tom Hardy français. Ah, ok, donc anglais. Ouais, okay, okay, non, okay, je change. Ouais, tu changes un peu, ok. Tu es le Tom Hardy français, d'accord, voilà. Très bien. Et le Tom Hardy dans Bronson, c'est à peu près. Ok, très bien. Et le Il fut noir avec Adrien et Thomas, allez le voir parce que je l'ai sorti un jeudi soir à 21h30 pour des raisons sombres de problèmes techniques et de contractualité avec ouais. le sponsor. Et du coup, bah, il fait un peu marché. Moins de vues que d'habitude, alors que c'est quand même avec Thomas et Adrien et que, ouais. et que moi j'aime beaucoup l'épisode. Ah bah, allez checker, oui, très donc, non, parce que du coup, il n'est pas apparu dans les recos, donc les gens, des fois, ne savent pas que cet épisode existe, c'est le problème de YouTube. Donc voilà, vous avez l'info. Sacré algo, je connais bien les termes. On a bien pranké le petit Thomas, on lui a offert ses rêves de jeunesse avec Adrien. C'est vrai, c'était très cool. J'ai vu la vidéo. Très bien les amis, et bah écoutez, passez une très bonne journée et puis à très bientôt, au revoir tout le monde, ciao. Bisous, au revoir, bonne année. Bye. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.